1 Timothée chapitre 2. Et on va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, on veut s'arrêter encore un instant parce que tu es la vérité, tu es la sagesse, c'est toi qui as l'intelligence. Il y a tellement de fausseté dans nos esprits qui ont été perturbés par le péché. On voudrait marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, marcher selon ce que tu nous as révélé, parce que c'est cette vérité qui apporte la vie, qui soutient la vie, qui fortifie ton Église aussi en même temps. Donc, que ton esprit puisse agir dans nos cœurs, afin qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je vais faire lire le chapitre 2 au complet, et on va, ensuite ça, on va le méditer, essayer de comprendre ce que l'auteur veut nous dire. Quel verset? Chapitre 2. Non, quel verset? Moi, c'est la Genève. C'est la Genève. Nouvelle édition Genève. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Qu'est-ce que ce chapitre vient faire dans l'Épître à Timothée? Don Carson nous disait, quand on étudiait, si vous enlevez le chapitre, peu importe dans quel livre vous êtes, peut-être vous êtes dans l'Évangile de Jean, puis vous enlevez le chapitre 17, ça change-tu l'Évangile de Jean? Qu'est-ce que ça y enlève? Pourquoi qu'il est là, ce chapitre-là? Pourquoi l'auteur en parle? C'est une façon d'essayer de comprendre le texte dans son contexte. Donc, pourquoi est-ce que Paul, qui écrit à Timothée, pourquoi il parle de prier pour tous les hommes? Pourquoi il parle des femmes, de leur habillement? Qu'est-ce que ça vient faire? Et qu'est-ce que ça vient faire dans la vie de Timothée? Et pourquoi, lui, il doit savoir ça et qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Donc, il faut essayer de comprendre le contexte de cela. Parce que souvent, on va prendre ces contextes-là, on les connaît tous un petit peu, mais on a entendu parler de l'habillement des femmes, on a entendu parler qu'est-ce qu'ils doivent faire, peuvent-tu enseigner ou pas enseigner. Mais on n'en parle pas dans le contexte de Timothée. Pourquoi est-ce que Paul doit en parler à Timothée? Qu'est-ce qui se passait pour qu'il en parle? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Donc, on va essayer de le comprendre. Et vous êtes chanceux de le savoir, hein? Parce que vous êtes mes troisièmes cobayes avec le texte. Les premiers, cette semaine, ça a été ardu de l'essayer de faire comprendre pourquoi j'avais changé mon opinion, ma façon de voir les choses sur certains domaines. Et parce que là, on a bâti quelque chose, puis là, on a tenté de vouloir changer un peu les choses. Donc, je me suis dit, mais là, Guy, oui, c'est beau, François, mais je ne le vois pas dans le texte, moi. Puis là, mais je l'ai fait avec Richard ça, vendredi matin, puis c'était mieux. Fait que là, j'espère que ça va être correct aujourd'hui avec vous autres, dans ce sens-là. Jamais deux. Mais on va essayer de comprendre, puis quand on veut changer une approche, des fois, mais c'est difficile parce que là, il faut quasiment effacer l'autre qu'on avait avant. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Dépendamment de la Bible que vous avez, dans le chapitre 2, verset 1, moi, dans ma Bible, il y a un « donc ». Il y en a qui ont des pas de « donc ». Moi, j'ai un « donc ». Quand vous avez un « donc » en français, ça veut dire quelque chose. Quand je dis « donc », ça continue. Ça suit quelque chose qui était dit avant. Ça suit, mais c'est une... C'est pas juste une suite. Il y a le mot « car ». « Car », c'est la raison. « Car », on va en avoir un « car » dans le texte. « Car ». Moi, c'est marqué en premier lieu. Oui, mais ça, c'est le deuxième « moi », j'ai Jésus, j'exhorte donc en toute première chose. Donc, des nouvelles Bibles, il y en a qui ont enlevé le mot « donc » complètement. Mais dans l'original, il y a un mot « donc ». J'étais allé voir dans l'original, voir si c'est vraiment italien. Il est vraiment là. Puis, il va y avoir un autre « donc » au verset 8. « Je veux donc que les hommes fassent ceci. » Donc, il y a un autre « donc ». C'est la conséquence à. C'est la conséquence à quelque chose. C'est une affirmation, François, donc. Non, c'est une conséquence. Donc, si je dis... l'auteur, à cause de ce qu'il dit au chapitre 1, donc, la conséquence à ce que j'ai dit au chapitre 1, c'est le chapitre 2. Donc... Vous devez tenir compte de ce que j'ai dit au chapitre 1. Si je n'en tiens pas compte de ce que j'ai dit, je vais interpréter le texte comme un peu un thématique. On va parler de la prière. Voilà. On oublie pourquoi qu'on en parle dans le contexte, puis on dit ça. Donc, c'est pas toujours. C'est pas faux ce qu'on va dire des fois sur la prière, mais ça ne met pas le contexte à ce qu'on est en train de dire. Je pourrais dire. Je te parle de mon auto, mettons mon auto est brisée, tu sais, je suis obligé d'aller ça. Donc, j'ai appelé un taxi. Mon auto est à briser, j'ai payé le dash, ça ne marchait plus. Donc, j'ai appelé un taxi pour venir me chercher. Pourquoi je fais venir un taxi? Si j'oublie le donc, je fais venir un taxi parce que pour n'importe quelle raison. Je ne sais pas quelle raison pourquoi j'ai fait venir un taxi. Mais si je tiens compte de ce que j'ai dit avant, puis mon auto a arrêté de fonctionner ou j'ai pris le fossé, là tu vas comprendre. Le pourquoi est-ce que j'ai fait venir un taxi, c'est parce que j'ai planté où mon auto a été de fonctionner. Donc, à cause de ce que j'ai dit dans le chapitre 1, ben là, la conséquence à cela, c'est le chapitre 2 et d'autres chapitres après qui vont venir. Mais si j'oublie le chapitre 1, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je sais pas. Donc, là, je dis des dons souvent, hein, donc, on va venir. Versets 1 et 2, on a souvent parlé de la prière et de prier pour les autorités, pour tous les hommes, les autorités, afin qu'on puisse vivre une vie paisible, tranquille, et en toute piété et honnêteté. Donc, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Est-ce que quand je considère le chapitre 1, si je ne considère pas le chapitre 1, je vais dire, OK, il faut prier pour les autorités. Bon. Vous avez entendu ça, qui est? Vous avez déjà entendu ça, hein? Dans votre vie chrétienne, il faut prier pour les autorités en place. Oui. Vous avez tout entendu ça? Là, je veux être. Je veux qu'on soit en maître. Le faites-vous? Oui, de temps en temps. De temps en temps? Pourquoi tu le fais? Parce que je veux qu'on soit capable encore d'évangéliser, parce que d'autres endroits ne peuvent pas parler de Dieu, ils sont restreints. Moi, je dis qu'on puisse continuer à avoir cette liberté-là. OK. Donc, je fais ça pour avoir la possibilité d'évangéliser, mettons. Ouais. Mais c'était-tu le problème de Timothée, ça? Non. C'est-tu le problème d'église d'Éphèse? On n'a rien dans la Bible qui nous dit que l'Église d'Éphèse, ben, il pouvait, à moins qu'on dise, ben, ah, c'est partout la persécution. Donc, ouais. Si c'est partout la persécution, on devrait prier pour pouvoir évangéliser. Okay? Mais à l'époque, c'était, là, il y avait la persécution. Oui. Si on dit ça, c'est une conclusion qui vient de l'ensemble du Nouveau Testament, mettons, où il en parle un peu dans la deuxième épître, de la souffrance, mais dans la première, on n'a pas vraiment de données là-dessus dans la première épître. Mais on dirait, vu que dans l'ensemble de cette époque-là, il y avait de la persécution, et c'est une des raisons qu'on a interprété le verset comme cela. Mais si on ramène au chapitre 1... Ça n'a pas rapport. C'est ça. Fait que là, tu dis, si j'amène le chapitre 1, qu'est-ce que ça vient faire dans le chapitre 1? C'est parce que c'est une conséquence au chapitre 1 que je dois prier pour tous les hommes. Fait que là, tu dis, bon, OK. Le chapitre 1, il nous a dit quoi? Il y avait des enseignants qui enseignaient d'autres doctrines. D'autres, on ne sait pas trop c'est lesquelles, mais d'autres doctrines que la vérité. Et il y avait l'autre donné, c'est qu'ils s'attachaient à des fables et des généalogies. Et l'apôtre Paul, il dit, moi, ce que je t'ai laissé là, puis je t'ai demandé de faire ça, c'est pour qu'on garde un amour pour Dieu avec un cœur pur, pour qu'on puisse garder une conscience pure, une conscience bonne, et une foi pure ou une foi sincère. Le but que je t'ai laissé à Éphèse, c'est de redresser l'Église dans la vérité. Donc, qu'est-ce que ça vient faire de prier pour les autorités, pour évangéliser? Si mon but, c'est que tu redresses l'Église. Donc, les autorités dans l'Église, peut-être? Mais... Là, je vais essayer de résumer le chapitre 1 pour qu'on comprenne que ça fasse une continuité, que ça fasse du sens dans notre tête. Et là, il a dit, tout de suite après avoir dit « on veut garder une foi pure », il dit « il y en a dans le groupe, dans votre groupe, dans l'Église, qui veulent être des docteurs de la loi. Mm-hmm. » Les autres sont en autorité. Les autres, ils veulent emmener la loi dans l'Église. Fait que ça veut dire que c'est parce que le mot « autorité », on l'amène, nous autres, souvent « autorité civile », mais on va se restreindre à... On va essayer de comprendre le chapitre 1, là. Il y a des gens qui enseignent des choses qui veulent amener la loi. On ne sait pas trop dans le chapitre 1 qu'est-ce qu'ils veulent amener, mais ils veulent ramener l'Église sous la loi. Et Paul dit non, la loi n'est pas faite. Quand on parle de la loi, on parle de l'ensemble de la loi de Moïse, pas juste les 10 commandements. Ils disent non, c'est pas fait pour nous autres, ça, c'est les justes, nous autres, on est passé la loi. Mais les autres, ils voulaient ramener la loi dans l'Église d'une façon quelconque. Paul ne veut pas faire ça. Là, il s'est donné un exemple. Vous vous souvenez? Moi, j'ai obtenu miséricorde parce que j'avais agi par ignorance et par incrédulité. Mais Dieu m'a sauvé ou m'a donné grâce parce que j'agissais par incrédulité ou par ignorance. Là, il a fini le chapitre en disant quelques-uns. Je t'exhorte à combattre pour la foi, Timothée. Combat le bon combat. Et en gardant la foi et en gardant une bonne conscience. Il avait commencé le chapitre 1 en parlant de la bonne conscience et de la foi, tout ça. Mais il termine en disant, je t'encourage, Timothée, à combattre le bon combat. C'est quoi ce combat-là que l'Église a là à faire? Quel est le combat de Timothée dans sa vie chrétienne? Et là, il dit, en gardant la foi et en gardant une bonne conscience, quelques-uns ont abandonné ou ont perdu la foi ou ont rejeté, la conscience, la bonne conscience. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait naufrage quant à la foi. Et Paul dit, à cause qu'ils ont fait ça, moi, je les ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais chapitre 1, là, c'est uniquement ce qui se passe dans l'Église. C'est dans l'Église qu'il se passe là. On a parlé juste de l'Église dans le chapitre 1. Des docteurs, des chrétiens qui s'attachent à toutes sortes de bébelles qui sont moins importantes, et des juifs qu'on pense, ou des prosélytes juifs, qui veulent ramener la loi dans l'Église. Et Paul qui met, on pourrait dire, mettons, en discipline des chrétiens dans l'Église, des gens qui étaient là dans l'Église. Puis il dit à Timothée, qui est responsable dans l'Église, de garder la foi, de combattre le bon combat. Ça se passe dans l'Église. Pourquoi quand on arrive au chapitre 2, on dit, maintenant, il faut prier pour faire de l'évangélisation. Bon. Là, on dit, hop, mais ça, on vient de partir dans une autre direction. Mais s'il n'y avait pas un don, je pourrais dire, OK, il a fini de parler de ça, puis il peut faire un autre sujet. Mais là, il y a un don. Et là, il va dire, avant toute chose, le plus important, la chose la plus importante dans l'Église, avant toute chose, il y a une chose que vous devez comprendre, que vous devez garder en mémoire, que vous devez vous efforcer de garder dans l'Église. D'autres, on n'a pas l'impression que c'est si important. On n'a pas l'impression que c'est pas vraiment un problème dans l'Église. Mais il dit, j'aimerais qu'en premier, à l'Église, vous allez pouvoir prier. C'est drôle, hein? La chose la plus importante de l'Église, c'est vous prier pour le roi, pour qu'il vous laisse évangéliser, mettons. C'est là. Ça, c'est pas la chose la plus importante, sur le coup, là. Mais la même chose. Je vais vous poser une question qui a engagé ma réflexion depuis quelques temps. C'est, moi, tout, j'ai déjà prié pour les dirigeants, tu sais. Mais finalement, ils ont vraiment répondu à ma prière, parce qu'ils ne laissent jamais vraiment vivre la vie chrétienne tranquille. Ils vont toujours vraiment nous persécuter. Puis l'apôtre Paul, quand il vit, il est en prison, donc ses prières n'ont pas vraiment été exaucées. S'il a prié pour avoir une vie tranquille et paisible, eh bien là, il est en prison, mais il va se faire tuer. Donc, ça n'a pas marché vraiment, sa prière. Ça ne marche pas pour aucun des chrétiens à ce moment-là. Ben, pas vraiment, parce que s'ils sont persécutés, ça veut dire que les autorités. Et en même temps, logiquement, est-ce que je peux prier que Dieu rende les autorités favorables à l'Évangile, puis qu'il nous laisse prêcher l'Évangile comme on voudrait? C'est un peu bizarre. Parce que le monde va toujours être contre Dieu et toujours être contre l'Évangile. Donc, peux-tu prier que Dieu change ça, là, pour que finalement, on puisse finalement vivre une vie sans persécution? Mais pourtant, l'apôtre Paul va dire à Timothée, je t'ai dit, Timothée, que ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Donc, en même temps, je pourrais-tu prier pour que ça ne fait pas de sens tout à fait dans ma tête. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'Église? Donc, la chose la plus importante dans l'Église, c'est de faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Quelle action de grâce qu'on voudrait rendre pour tous les hommes? Ça fait bizarre. Mais là, tu commences à dire, on a la liberté de prêcher l'Évangile. Mais ça, c'est pas l'Église en général qui peut dire ça. C'est pas toujours le même dans toute l'histoire non plus. Puis ensuite, il va nommer au verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, les rois, les dignitaires, qu'on va prier pour eux autres. Et là, il dit, afin que la raison que je dis que la chose la plus importante, c'est que vous priez pour tous les hommes, eux aussi pour les rois et les dignitaires, afin que la raison que je vous demande de faire ça, je vous encourage à faire ça, je vous exhorte à faire ça, c'est afin que nous vivions, que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Ça veut-tu dire que je dépends des païens pour vivre ma vie chrétienne? Si Dieu ne répond pas pour qu'il me persécute, je ne serai plus capable de vivre une vie paisible, tranquille, puis dans la piété, dans l'honnêteté. Je ne serai pas capable parce que c'est la faute du gouvernement de me persécuter. Ça n'a pas de sens dans ma tête. De vivre dans l'honnêteté, dans la piété, ça ne dépend pas du gouvernement, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas qu'est-ce que le gouvernement va dire, ou ma famille va dire, ou ce que mes enfants vont dire s'ils ne sont pas chrétiens. C'est pas ça. Je dois vivre une vie paisible, tranquille, en piété et en honnêteté, peu importe ce que le monde va faire. Donc, on s'est peut-être écarté du sujet du donc. On a oublié le donc. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Qu'est-ce que Paul veut? Lui, il veut amener une église qui vit en paix. dans la prière. Mais la prière pour tous les hommes, on ne peut pas prier pour tous les hommes. Hein, ça voudrait dire, là, on peut dire, OK, toutes sortes d'hommes de toutes les nations. Un des difficultés, puis à cause du chapitre 1, de cette question de la loi, des phares, des généalogies, de ramener sur la loi, qu'est-ce qui est à... Paul, il veut quoi? Il veut ramener l'Église dans le bon chemin, dans la bonne façon de comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il est en train de demander pour que le bien-être de l'Église? Parce que la prière ici pour tous les hommes, c'est pour le bien-être de l'Église. Je ne sais pas, François, pour tous les hommes qui sont dans l'Église, ceux qui amènent des phares puis des généalogies, ils sont encore dans l'Église, ils sont... Non. Ils sont plus là. Ils sont encore là, mais ce n'est pas pour eux autres qu'ils disent de prier. Pour qu'ils changent le... Non. Non? Non. Ça, il va dire dans le bon appel, dans la deuxième épître, de reprendre, exhorte, censure, afin que les gens restent attachés à la vraie vérité. Mais ici, quand on parle des rois et des gens dignitaires, ce n'est pas dans l'Église, ça. On ne peut pas prier, il n'y a pas de roi dans l'Église qui était là à ce moment-là, à ce qu'on sache. OK, puis les dignitaires non plus. Mais le problème de l'Église, à travers l'histoire de l'Église, c'est de garder le salut le même pour tous les hommes de la planète. Et tous les hommes, tous les, que ce soit qui tu voudras, juif, grec, homme, femme, riche, pauvre, esclave, maître, on a tous la même évangile à prêcher. C'est pour ça qu'il va nous parler après. Cela est bon et agréable à notre Sauveur, que vous priez pour tous les hommes. Car, au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés? Un des mots centrales de cette verset, c'est tous les hommes. Sans exception d'hommes, sans différence chez les hommes. Tous les hommes, peu importe. Et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament en général, et je crois que dans l'Épître d'Éphèse ici, c'est de garder l'Église unie. Qu'il n'y a pas un salut pour les Grecs, puis un salut pour les Juifs, puis un salut pour les esclaves, puis un salut pour... L'Évangile, elle embrasse tout le monde. De toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les couches sociales, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu as le même salut. Le salut va avoir les mêmes effets sur toi. Écoute, si tu es converti, que tu sois un juif, un noir, un grec, un roi ou un esclave, tu as les mêmes bénéfices de l'Évangile. Il n'y a pas de différence. Et je crois que c'est ça dont il veut parler ici. Vous devez prier pour tous les hommes de la terre. Parce que c'est ça qui est agréable à Dieu. Dieu veut sauver des hommes de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les régions, de tout ce que vous voulez parler. C'est pour ça qu'il va dire à la fin, au verset 7, « Moi, Paul, je suis la preuve de ça. » J'ai été choisi par Christ pour être un apôtre et aller enseigner les païens dans la foi et la vérité. Êtes-vous en train de dire que je ne fais pas la bonne chose en enseignant aux païens les choses? Que je devrais faire différemment? Et vous vous souvenez quand Paul a eu à descendre chez les Juifs en Israël pendant qu'il était dans le ministère? Parce qu'on disait que, vous ne pourriez pas être sauvés vraiment si vous ne devenez pas des Juifs ou des circoncis, vous ne devenez pas des prosélytes, vous ne pourrez pas vraiment être sauvés parce que vous êtes des païens. Paul dit non. Si tu es un païen, tu peux être sauvé comme tout le monde, puis tu as les mêmes privilèges. De garder un salut uniforme dans l'Église, peu importe dans quelle culture, dans quelle époque et dans quel arrière-plan religieux tu viens, vous allez avoir... C'est un combat, ça fait partie du combat que l'Église a à faire. Je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être parler un peu, vous allez peut-être trouver ça un peu farfelu. Cette semaine, je lisais la presse, et dans la presse, ils ont nommé dernièrement, me semble, c'est le responsable de toutes les finances du Canada, en tout cas. Là. Je ne me souviens pas quel ministère, là. Puis le gars qui montre sa photo, il y a un beau gros turban noir. Moi, dans ma tête, c'est comment ça qu'ils ont pris un gars comme ça pour s'occuper de tout le Canada? Il n'y a pas de Canadien. Tu sais, dans ma tête, il n'y a pas de Canadien. C'est moi, je fais exception de personne en partant. En partant, ça mérite que c'est pas un Canadien qui s'occupe du Canada. On est comme ça, les êtres humains. S'ils rentreraient ici des musulmans, puis qu'on dirait maintenant, on a des femmes voilées, puis on a des femmes pas voilées, puis on a des hommes habillés avec des turbans, c'est tous des chrétiens, on verrait que ce serait pas si évident que ça. Je parlais une fois avec M. Phillips, il était à l'ouest de l'île, à Montréal, puis il disait que dans leur église, il y avait 21 sortes de nationalités différentes dans l'église. Puis là, il dit, le grand défi, c'était de garder tout ce monde-là ensemble dans un salut unique. Ils ont c'était toujours difficile de dire, c'est quand tu franchis la porte de l'église, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. On rentre dans l'église et c'est le peuple de Dieu qui est là. Avec tous les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes récompenses, on veut dire, les mêmes. Il y a juste. L'esclave doit se lever et de prier. Le roi aussi, mais l'esclave aussi a le droit. C'est ça que Jacques va dire. Vous faites exception de personne. Vous dites aux riches de s'asseoir à côté de vous autres et vous dites aux pauvres de s'asseoir à terre. Vous faites exception de personne et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que vous faites des différences parmi les croyants. Faites attention, dit-il. Donc, on va le voir dans l'ensemble. Puis moi, je te le dis à cause du chapitre 1. Des gens qui enseignent d'autres doctrines. Bon, c'était d'autres doctrines, sais-tu qu'il y avait une différence chez les croyants, entre les Juifs et les Grecs? Une des choses qui m'avait surpris, dans les années 85, 95, quand j'allais dans les conférences de l'association, quand j'avais affaire avec toutes ces affaires-là, de voir que dans les grandes villes, on avait maintenant des églises juives, des églises chinoises, des églises arabes. On n'était plus capables, les chrétiens étaient capables de vivre ensemble. Ils parlaient tout anglais pourtant, ce monde-là. Là. Mais on n'était pas capables. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tensions, là. Ben, c'est parce qu'ils amenaient aussi leur coutume. Ben oui. La coutume, elle n'arrangeait pas Mais la coutume, elle n'a pas dû de changer. Mais ça changeait les choses. Je lisais à un moment donné, j'étais abonné à une revue qui était juive, c'était des juifs, c'était en anglais, c'était des juifs qui écrivaient. Mais les juifs parlaient, les juifs chrétiens parlaient, mais il y avait une coche de plus que les autres chrétiens. Il y avait une petite coche de plus parce qu'ils étaient juifs. Non. C'est pour ça qu'il va dire, par la suite, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? C'est que nous, peu importe qui tu es, peu importe à qui tu vas parler de l'Évangile, tu ne devras pas faire différence. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit noir, que ce soit arabe, que ce soit juste, que ce soit musulman, tu dois lui annoncer l'Évangile et prier pour tous les hommes de la terre. C'est ça que Dieu, Jésus est venu sauver des hommes de toute la terre. Mais dans le fond, ils sont pris pour les gouvernements, les rois, pris pas pour qu'ils nous permettent de, mais pour que le Seigneur les touche. Non, mais le but, c'est pas ici, le but, c'est pas de savoir si je dois prier. C'est que ça révèle mon cœur, que moi, je fais pas de différence parmi les hommes de la terre quand j'annonce l'Évangile. C'est pas que les autres changent leur opinion par rapport à moi. Puis c'est pas qu'ils se convertissent. Je veux que dans l'Église, quand vous allez. On va le voir, là. Quand les hommes se prient, ils vont se lever pour prier, qu'ils prient avec des mains pures, sans colère, contre les gens de l'extérieur. Sans colère, sans parti pris, sans parler contre les gouvernements qui nous persécutent, ou contre les autorités romaines qui nous persécutent, ou contre ceux qui ont mis Paul en prison, contre. Donc vous devez prier. Ça révèle le cœur de Dieu. L'Église révèle le cœur de Dieu. Dieu veut atteindre des hommes de toutes les classes sociales, des riches et des pauvres. Avez-vous des certaines personnes avec lesquelles vous avez de la misère à témoigner? À cause de leur apparence, à cause de leur classe sociale? Imaginez-vous, vous allez aux Indes, là, vous allez au. Ben, ça me semble que c'est aux Indes, oui. Vous allez aux Indes, vous avez des gens qui vont se convertir, mais dans la société, là-bas, c'est très séparé. Quand ils vont arriver dans l'Église, vont-ils être capables de dire qu'il n'y a plus de barrière ici? Il n'y a plus de différence ici. Peu importe dans quel caste que tu es ici, que tu viens d'une caste de VIP ou tu viens du gars qui travaille dans le dompe, quand tu franchis la porte de l'église, tu es égal. Il n'y a pas de différence. Et ça, on a de la misère avec ça, je vous garantis. On a nos préjugés, mon gars. On est des préjugés. Moi, j'avais bien de la misère à dire que je vais approcher certaines personnes de la société. Humainement, je ne suis pas porté à aller parler avec ces gens-là. Puis si ça ne sert pas à l'évangile, tu changeras ta voix. Je ne suis juste pas capable de les atteindre. Mais Dieu me dit, François, tu ne peux pas faire ça. Si je mets devant toi n'importe qui, tu devrais être capable de parler de l'évangile parce que Dieu veut sauver tout le monde. C'est pour ça qu'il va dire, juste après, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. » C'est toujours prier pour tous les hommes. Il y a un seul médiateur entre tous les hommes, puis il y a juste une rançon pour tous les hommes. Donc c'est toujours tous les hommes dans le sens, peu importe c'est qui ces hommes-là. Qu'ils soient des rois, qu'ils soient des en dignité, qu'ils soient des pauvres, qu'ils soient des esclaves, qu'ils soient des noirs, peu importe, c'est pour tout le monde. Donc, l'Église doit refléter dans sa façon d'agir qu'elle veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'il y a juste un salut pour tous les hommes. Donc, Paul n'est pas en train de vouloir que l'Église prie pour les gens en dignité pour qu'on puisse avoir une petite vie tranquille. Non, c'est... Paul veut que l'Église ait une bonne conscience, un cœur pur et une foi pure. Mais si je dis que le salut n'est pas le même pour tout le monde, j'ai plus une foi pure. J'ai plus une bonne conscience envers Dieu. Parce que je fais exception quand Dieu ne fait pas exception. Quand il parle ici là, que nous allons vivre paisible, tranquille, en toute piété et en honnêteté devant Dieu, ça c'est notre cœur à nous. Si on ne vit pas l'Évangile comme on devrait la vivre, c'est nous autres qui sommes plus honnêtes avec Dieu, parce qu'on change les choses. C'est nous autres qui ne vivent pas selon la piété que Dieu a établie. On dit qu'on est des croyants, qu'on sert Dieu, mais on change un peu les choses, puis on les adapte pour nous. Donc, quand Paul dit « afin que nous vivions une vie en paix, tranquille, en piété et en toute honnêteté », il ne parle pas là que ça va nous rendre la vie facile si on prie. Mais notre vie va être en diapason avec Dieu. Si je prêche un salut pour tous les hommes et que je prie pour tous les hommes et que je ne fais pas exception de personne, ma vie va être en paix, je vais être tranquille avec moi-même, je vais être tranquille avec Dieu, je vais être en harmonie avec Dieu. Ma conscience va être bonne envers Dieu. Parce que je reflète ce que Dieu veut sur le salut de tous les hommes. Et je crois que c'est ça qu'il fait ressortir dans notre texte ici. Aussitôt que je ne suis pas le plan de Dieu, l'Église n'est plus en paix. L'Église n'est plus en harmonie avec Dieu. L'Église ne fonctionne plus selon Dieu. Elle fait exception de personne. Donc, automatiquement, l'Église ne reflète pas le cœur de Dieu. Donc, le texte, c'est pas qu'on va prier parce qu'on voudrait avoir... que ce soit plus facile qu'on évangélise. Ouais, on l'a facile, nous autres, au Québec, c'est pour évangéliser, si on veut évangéliser. Là. On l'a facile. On n'est pas dans des pays... là. Et je dirais personnellement, là, c'est une des raisons pourquoi on ne priait pas beaucoup pour les autorités, c'est parce qu'on l'a facile. Un gars comme Paul, j'aurais pu comprendre qu'il pouvait prier pour les autorités, parce que s'il sortait sur le coin de la rue, il pouvait se faire tuer. Donc, lui, j'aurais pu comprendre là, que les chrétiens étaient portés à prier pour avoir une vie un peu plus facile, parce qu'ils sont tellement persécutés. Mais ici, là, on l'a tellement facile qu'on n'y pense même pas. Le gouvernement, ils font ce qu'ils voudront, on continue à évangéliser, donc on fait ce qu'on veut. Ça peut changer bien vite. Oui, oui, oui. Là, on essaie de trouver une raison. Mais il dit, à cause de ce que je vous ai dit, que dans l'Église, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y en a dans l'Église qui ont perdu la bonne conscience et j'ai été obligé de les livrer à Satan dans l'Église. Donc, il dit, donc, vous autres, enlignez-vous, là, le restant de la gang. Enlignez-vous avec Dieu. Dieu, il y a juste un salut pour tout le monde. Dieu, il n'y a pas de différence de salut entre les hommes et les femmes. Et je vous ai déjà dit ça, on dit ça sans rien, mais il y avait une réalité. Qu'un bon pharisien disait tout le temps, le matin, en se levant, « Merci, mon Dieu, que je ne suis pas une femme. Okay. » Parce que je ne suis pas, les Juifs ne croyaient pas que les femmes avaient la même place dans le royaume de Dieu à venir que les hommes avaient. C'est pour ça que Paul va dire dans Galates, « Dans le Seigneur, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. » Et ça, c'est un scandale pour un juif un peu jusqu'à certains points, que l'Évangile emmenait tout le monde à être égaux dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, l'Évangile. De dire là, qu'il n'y a plus de race, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de couleur de peau. Dans le royaume de Dieu, tout est pareil. Tout le monde est pareil. Tout le monde a le même privilège. Tout le monde a le même privilège de s'approcher auprès de Dieu. Et dans le temps là, des Juifs, là, de pouvoir s'approcher auprès d'un roi ou auprès d'un grand prêtre, mon ami, ça prend du temps d'avoir un rendez-vous au gouvernement, mais là, ça t'a encore pas mal pire, pas mal pire. Tu pouvais pas, si t'es ton esclave, oublie ça, tu te rendras jamais devant un roi. Jamais. Devant les dignitaires de la ville, jamais non plus. C'est un esclave. Mais là, l'esclave avait le droit de se présenter devant Dieu, avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ça change la donne. Ça change la donne pas mal. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va terminer en disant, verset 6, il dit, « C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel le témoignage rendu à Dieu, qui veut sauver des hommes de toutes les nations, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi, moi, Paul, prédicateur et apôtre. Je le dis en vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Donc, pour ceux qui terminent en disant ça, moi, le témoignage que j'ai à rendre, c'est que Dieu veut sauver des gens de toutes les nations. Souvenez-vous la première fois que l'apôtre Paul est descendu à Jérusalem, qu'est-ce qui se passait à Antioche? On avait un désaccord entre les Juifs et les Grecs. Doit-on judaïser les Grecs pour qu'ils soient vraiment des vrais chrétiens? Puis Paul, il descend là, puis il dit, non. On ne doit pas faire ça. Dieu veut sauver des Grecs, puis il va sauver des Grecs, puis des Noirs, puis des Blancs, puis des Jaunes, puis des Verts, toutes les couleurs. Donc c'est, moi, j'ai été établi pour emmener les païens à la foi. Donc vous autres, les Juifs, je crois que ça faisait un rapport avec ça, avec leur fable et leur généalogie sans fin de juifs. Vous n'êtes pas des juifs. Et pour un juif, là, imaginez-vous, nous autres, on n'a pas vraiment ici... si vous avez écouté des films des années 1800, où il y avait de l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Imaginez-vous un Noir se convertit puis se lève le dimanche matin pour parler à l'Assemblée de Blancs. On ne l'aura jamais laissé faire. On ne l'aurait jamais laissé faire, même si elle était chrétienne. C'est ça qu'il est en train de parler ici. Là. C'est ça dont il parle ici. Vous ne devez pas faire exception de personne par rapport au salut. C'est pour ça que j'ai de la misère avec quand on sépare les églises. Je peux comprendre que je m'entends bien avec des juifs. Puis, c'est mes frères, c'est des juifs comme moi. On a peut-être les mêmes. Réunis-toi le vendredi soir si tu veux ta petite gang de juifs. Mais l'église, c'est l'assemblée de tout le monde. Donc, quand vous rentrez dans une assemblée à cette époque-là, tu rentres dans le bâtiment, s'il y avait un bâtiment, et là, tu voyais des hommes, des femmes, des rois, des gens importants, des esclaves, ensemble en train de prier puis louer Dieu. C'était une image incompréhensible pour la société de cette époque-là. Incompréhensible. C'était inimaginable que ça aurait pu se faire à quelque part. Mais ça suffisait. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, faites bien attention, quand vous allez prendre le repas du Seigneur, assisez-vous pas les riches d'un bord et les pauvres sur l'autre bord. Faites bien attention. Hein? Voyez-vous ce qu'on est en train de faire? Hein? On est dans le Corinthien, là. On a un exemple. Là. Il y en a un qui est en train de s'empiffrer, puis l'autre est en train de crever de faim, mais on s'en occupe pas. On méprise l'Église, on méprise. Dit, vous méprisez l'Église. À un tel point que Dieu vous a fait mourir, vous a rendu malade, vous a fait paralyser, puis vous a fait mourir. Parce que pour vous avertir, vous êtes en train de déshonorer Dieu. Parce que Dieu a sauvé tout ce monde-là, c'est tous ses enfants. Donc, je crois que c'est ça dont il parle ici. Plus que juste dire, priez là, pour que le gouvernement vous laisse tranquille quand vous allez évangéliser. Mais vous dites bien franchement, pendant la pandémie, ça m'est arrivé de prier pour le gouvernement, mais pas dans le même sens qu'on aurait pensé là. Mais là, ça nous a amené, on était un peu sous tension, ça nous a amené à prier un petit peu de différentes façons. Mais même mes prières, j'aurais prié pour que le gouvernement nous laisse tranquille. Je ne suis pas sûr qu'il nous aurait laissé tranquille. Puis moi, dans ma personnalité, je suis pragmatique. Si ça ne fonctionne pas, puis si ce n'est pas logique, si ce n'est pas réel dans ma vie, là, j'arrête. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça, même si je n'étais pas chrétien. Ça ne marche pas. Puis moi, souvent, je me disais, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on prie pour les autorités? Puis finalement, ça allait arriver jamais. L'Église est toujours persécutée, non, oui. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi on continue? Puis quand on y pensait, là, hein, mais souvent, on priait là-dessus parce qu'il fallait prier là-dessus. Là, c'était comme ça. Ou si vous priez, j'ai déjà prié que le Seigneur fait que la société comprenne, mettons, pour l'homosexualité, que la société comprenne des grands péchés, là, l'avortement, on prie pour les autorités changent leur façon de voir. Ils vont-tu changer leur façon de voir? Ben non. C'est des païens. C'est des inconvertis. Ils ne changeront pas leur façon de voir. Puis il y a des païens qui ont une pensée quasiment chrétienne par rapport à l'avortement, même s'ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est que l'apôtre Paul, il dit, moi, là, je t'ai laissé à Éphèse, Timothée, pour redresser l'Église. Donc, tout ce qu'on va voir, c'est pour redresser l'Église. Ce n'est pas pour d'autres choses. Là. Donc, l'Église doit voir tous les hommes et toutes les femmes, riches, pauvres, tous égaux. Pourquoi? Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, il y a une seule rançon pour tout le monde. C'est tout le même, tout le monde est séparé. Et ça, ce que je vous dis, pour nous autres, ça ne nous semble pas révolutionnaire comme pensée. Mais c'était révolutionnaire. L'Évangile a changé la face du monde dans ce sens-là. Parce qu'on a tendance, vous savez, hein, les vieux s'associent ensemble, les riches ensemble, les riches ont leur rue, hein, leur Westmont à Montréal, puis tu as l'autre quartier de la ville, c'est pour les pauvres de la ville. On fait exception de personne. On n'appelle pas ça des castes au Québec, mais on en a pareil. Puis si tu veux rester dans cette rue-là, mon arrête, il faut que tu te bâtisses ta maison tant de pieds carrés. Puis ton terrain doit avoir tant de pieds carrés. Sans ça, tu ne peux pas t'acheter un terrain, c'est toi. Va t'en dans une autre rue avec tes égaux à toi. C'est ce qu'on dit. Et ça, si on ne fait pas attention, on va rentrer dans l'Église avec ces mêmes idées-là. Et là, il faut faire attention à ce moment-là. Et d'être une image, un reflet de la pensée de Dieu. Qui, pour lui, ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on adresse des prières pour tous les hommes. Peu importe c'est qui les hommes. Et en faisant ça, nous, on garde une bonne conscience. Nous, on garde une foi pure. Nous, on garde un amour pour Dieu avec un cœur pur. Nous, on est en harmonie avec Dieu quand on fait ça. Quand on fait cette affaire-là. Donc, quand tu parles avec les gens devraient voir que dans l'Église, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de structure qui dit, ben, c'est comme ci, comme ça, puis ça, c'est les riches, puis ça, c'est les pauvres. Non, c'est tout le monde est pareil. Donc, ça, c'est l'idée derrière. Et vous allez voir, vous souvenez de l'esclavage. Je vous ramène ça parce que je sais que c'est des choses qu'on a tous entendu parler. Mais quand il y avait de l'esclavage assez fort, les Blancs disaient que les Noirs n'avaient pas d'âme. Mm-hmm. Ils étaient comme des animaux. Ben, même chose pour les Autochtones. On disait ça au Canada, au départ, la religion, c'est ce qu'elle disait. C'était des sauvages. Donc, mais c'est quand l'apôtre Paul dit, quand vous allez prier, donc, Si on rentrerait dans l'Église chez vous, puis de la façon quand vous allez prier, est-ce que ça va refléter l'Évangile de Dieu? Est-ce que vous allez prier pour César? Est-ce que vous allez prier pour les gens que vous connaissez qui sont des Romains? Est-ce que vous allez prier pour les esclaves qui sont sous votre tutelle en tant que maître? Est-ce que vous priez pour les esclaves? Ou vous dites, non, je ne suis pas pour eux autres. Je ne veux pas que mes esclaves viennent ici dimanche, là, tu sais. Mais non, il faut que tu pries aussi pour les esclaves. Parce qu'il y a juste un Dieu, juste un médiateur, il y a juste un salut, il y a juste une rançon pour tout le monde pareil. Donc, dans l'Église, ne faites pas exception de personne. Soyez tout le monde et pareil. C'est ce que je crois que le texte est en train de dire ici. C'est un petit peu nouveau, peut-être, c'est ce que vous entendez là. Mais c'est ce que je pense à cause du petit mot « donc ». Donc. OK? Avez-vous des questions là-dessus, non? Jusqu'au verset 7. C'est juste que ça rentre pas dans ma tête. Parce que c'est vrai qu'il y a le don, là. Moi, je ne l'ai pas dans ma Bible, mais c'est certain que, tu sais, la façon qu'il dit, c'est comme si c'est pour vivre d'une façon tranquille, tout ça. Tu sais, on a été élevé avec ça. Oui. C'est pour ça que si je commence au verset, au chapitre 2, puis je lis le verset 1 et 2, je pourrais comprendre le texte comme ça. Et là, j'arrête de me dire à comprendre, cela est agréable à Dieu. Dieu veut, ce qui rend Dieu heureux, là, c'est quand nous autres, les chrétiens, on a notre petite vie tranquille. Ben là, ça ferait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Puis pourquoi parler par ensuite qu'il y a juste un Dieu, puis juste un médiateur, puis juste une rançon, puis moi j'étais apôtre pour annoncer l'Évangile aux païens? Qu'est-ce que ça vient faire avec ma petite vie tranquille, ça, cette vérité-là? C'est ça fait pas de sens? Ce que tu dis, c'est logique, mais tu sais... Ça va prendre quelques temps à rentrer. Il faudrait qu'on va pour rentrer ça aux gens... Oublie-les, vis-le, toi, c'est ça qui est important. C'est juste que nous autres, on le vit, là. Si on le vit, quand on va parler, quand on va prier, ils vont le voir. Je vais prier pour un noir, je vais prier pour un autochtone, je vais prier pour un musulman. Moi, j'ai deux musulmans qui viennent en face de chez nous. C'est nouveau, ça, au Québec, pour moi, François Nolet. Mm-hmm. Je les vois sortir tous les matins, de la façon qu'ils sont habillés, avec sa grande barbe noire, puis ses affaires, la madame, quand elle sort. Je le vois. Mais si tu es capable, maintenant, facilement, prier pour eux autres, d'un cœur pur, comme Dieu, lui, a donné son fils pour les sauver, ces deux-là. Mm-hmm. Si tu es capable, t'es dit que ça me prend un effort. Faut que j'y pense. Seigneur, t'es mort pour sauver ces gens-là aussi. On a la misère. Mais si je convertirais et qu'il rentrait dans l'église, là, j'aurais-tu encore de la misère à les voir comme des frères et sœurs? Si je dirais, ben là, oui, là, mais dépêche-toi à changer ta façon de vivre, hein? Dépêche-toi à changer ton habillement parce que ça presse, là, tu sais. Mais c'est que j'avais-tu la facilité? J'ai déjà compté, il me semble, ici à vous autres, Germaco, au Québec, que dans certaines églises, les gens qui sont des VIP de la société, ils ne sont pas capables de s'adapter dans certaines églises, ils déménagent. Ils ne resteront pas dans l'église. Ils vont aller se joindre avec une autre église plutôt VIP. Si c'est le contraire, je suis un gars qui vit sous l'aide sociale, mettons, et que je rentrerais dans une église comme à Ottawa, j'aurais de la misère à rester là. Parce que là, c'est tous des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui ont tous des Mercedes, mettons, des BMW. Puis toi, je m'arrive là, j'aurais un peu de misère. Je me sentirais écrasé par l'opulence qu'ils ont, puis le langage, même, parce qu'ils sont tous éduqués, ils ont tous des bacs, ils ont tous des... Mais c'est pour rien, dit-on, qui s'assemble, ça ressemble. Mais quand on arrive dans l'Église, on devrait être capable de surmonter ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, avant toute chose, rappelez-vous bien, là, que le salut, c'est le même pour tout le monde. Mais parce que c'est ça qui nous rassemble. C'est justement si... ce qui se ressemble, ça semble, mais ça nous ressemble. Notre seul lien, nous autres, c'est l'Évangile. C'est pas nos autos, c'est pas dans quelle rue qu'on reste, c'est pas dans quelle couleur de la peau qu'on a, c'est qu'on parle tous de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ça qui fait qu'on s'en vient tous entendre la parole de Dieu, on s'en vient tous prier ensemble, louer le Seigneur ensemble. C'est ça qui devrait nous stimuler. Mais on est encore, des fois, dans la chair. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. À partir du verset 8, là, on chante, il y a un autre de « donc ». L'as-tu, ce « donc-là », Gisèle, dans le verset 8? Tu peux nous dire ça? Non. OK, tu l'as bon. Donc, je veux donc, à cause de ce que je viens de dire du verset 1 à 7, donc... S'il y a un seul Dieu, puis un seul médiateur, puis un seul une seule rançon, puis qu'on doit considérer tous les hommes de la même façon, puis de voir que Dieu veut sauver tous les... Hey, quand on est dans un pays où est-ce que tu souffres pour la foi, là, c'est pas facile pour prier pour tes persécuteurs. C'est quand Jésus a dit aux Juifs, priez pour vos ennemis et pour ceux qui vous persécutent. C'était pas mal révolutionnaire, ça. Dans la culture, habituellement, si on te donne un coup de pied, tu te donnes un coup de pied. Puis peut-être un coup de pied et demi, même. Puis tu m'as fait du tort, je t'axonne 5 millions, tiens, tu m'as fait du tort. Ce n'est pas juste, justement, pas juste de rembourser ce que tu m'as brisé. Mais ça, c'est en chrétien, là. Oui. Pas avec le membre. Oui, mais on le fait dire, même chez les chrétiens, on le fait encore. Oui, mais tu sais, je veux dire, est-ce que nous, envers le monde, c'est la même affaire? Parce que c'est eux autres qui nous persécutent, là, c'est pas les... Oui, mais est-ce que je vais être capable de prier pour eux autres sans vraiment avoir un cœur, sans avoir de rancune? Je me souviens d'avoir travaillé avec l'évangélisation dans des groupes d'église, puis quand les gens revenaient de l'évangélisation vers 9h, 9h30, on entendait des choses des fois. C'est une espèce de malade, ils ne comprennent rien. Nous, on parlait d'un contact, là. Il y en a un qui avait dit une fois, mais qui a le don du diable, enfin. Je disais, c'est une chose qu'il ne nous entend pas, le contact, parce que tu ne rentreras pas là, là. Mais tu vois, on réagissait, là, humainement, à quelqu'un qui t'en veut, quelqu'un qui te fait du tort, quelqu'un qui se moque de toi, à quelqu'un qui te juge, qui te condamne, ou qui te ridiculise. Donc, notre réaction humaine, c'est, va-t'en sous le diable. Hein? Je suis venu pour t'annoncer l'Évangile, puis tu me rejettes, puis va-t'en sous le diable. Mais c'est pas la bonne attitude. On devrait être capable de dire, je vais continuer à prier pour eux, quand même, honnêtement. Et tout le verset 8, il va dire, donc je veux... Ah, c'est marqué, je veux donc. Tu veux juste la première... Colline. Donc, il y a un donc, là. Donc, à cause de ce que je viens de dire, qu'il y a juste un salut pour tout le monde, et que tout le monde est égal, et tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde, ce qui est agréable à Dieu. Pour Dieu, là, son peuple qui regarde, le nouveau peuple de la Nouvelle Alliance, quand Dieu regarde et voit un peuple multi-ethnique, plein de couleurs de peau, puis plein de façons de s'habiller différemment, puis plein de langues différentes, il dit « Yes! J'ai atteint mon but. » Parce que je veux sauver des gens de toutes les nations du monde. C'est ça qui était le but de la nouvelle alliance. Donc, quand Dieu voit ça, Dieu, c'est agréable pour lui de voir ça. Donc, il dit, quand les hommes... Et là, à partir du verset 8 jusqu'à la fin, verset 15, Paul parle de ce qui se passe dans l'Église. OK? Encore une fois. Donc, il va dire, « Donc, je veux que les hommes... » Puis, au verset 9, il dit, « Je veux aussi que les femmes... » Donc là, le mot homme dans le verset 8, c'est plus tous les hommes, c'est les hommes masculins dans le verset 8. Parce qu'il va dire au verset 9, et les femmes, dans une autre direction. Okay, donc, il est en train de dire, quand vous allez vous réunir, vous devez agir en conséquence de l'Évangile et en conséquence de ce que Dieu veut. On oublie souvent que l'Église, c'est le reflet de Dieu sur la terre, c'est le corps de Christ sur la terre. Okay, donc, il veut. Vu qu'on est le reflet de Dieu en tant qu'Église, on doit émaner ou manifester ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, comment Dieu voit les choses. Donc, quand vous allez vous réunir dans l'Église, et vous allez, si vous lisez le Nouveau Testament, surtout les Épîtres, vous allez voir les conflits entre les hommes et les femmes dans l'Église tout le temps. OK? Tout le temps. Il y a toujours des conflits. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Comment ça marche pas? Il y a toujours des conflits. Mais jusque dans Pierre, quand ton mari veut pas, qu'est-ce que tu fais? Quand ta femme veut pas, qu'est-ce que tu fais? On est toujours en train de parler de ça parce que c'est un conflit depuis un jeune âge. Il n'y a pas d'époque dans l'histoire qui n'a pas eu de conflit entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on veut enlever les hommes et les femmes. On veut dire juste un sexe. Mais on est loin de là. Ici, en tout cas, dans l'Église, on est loin de là. Il y a encore deux sexes, puis les deux sexes sont en conflit à cause de la chute. Ils vont en parler demain ici, ce conflit-là. Ce conflit-là, on croit, je crois, ce que moi j'ai perçu dans l'Église en général, on croit qu'il n'existe plus, que l'Évangile a renversé ça. qu'il n'y a plus vraiment ce conflit-là dans les couples, cette difficulté-là pour l'homme et la femme de faire un comme c'était le but au début. Qu'est-ce qu'il devait se faire? On le voit, puis on a l'impression que par nos cours de couple, par nos cours, nos conférences de ci, puis nos conférences de ça, on va annuler ce problème-là dans l'Église. Je ne crois pas qu'on va réussir. Je ne dis pas qu'on ne doit pas combattre le péché dans nos vies, ben oui. Mais de dire qu'on va résoudre le problème, non. C'est un châtiment de Dieu sur la race humaine, ça va rester jusqu'à la fin des temps. Mais comment je dois agir maintenant dans l'Église? Et qu'est-ce que je devais manifester dans l'Église? Donc ici, on a une Église multiethnique, des hommes et des femmes de différentes cultures, de juifs et non-juifs, des grecs, des prosélytes grecs. Donc, il dit que, premièrement, je vais m'adresser aux hommes. Quand les hommes vont se lever pour prier, ils doivent le faire en élevant les mains, des mains pures. Donc, il faut lever les mains quand on prie, hein, c'est ça que je veux dire. Sans colère et sans mauvaise pensée. Pourquoi qu'il prend le temps de dire ça? Donc, vous avez des conflits là, dans l'Église, là. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes avec les différentes couches sociales ou différentes races. Ils avaient des conflits entre hommes et femmes. Donc, il dit, quand vous allez, les hommes vont se lever et prier, c'est pas pour rien qu'il va dire, pour la femme, c'est pas son rôle de prier. Mais si on parle vraiment d'un homme masculin, là. On n'a pas le choix à cause du verset 9. Mais aussi aux femmes. Donc, s'il dirait, je dis à tous les hommes, là, ce serait hommes et femmes. Mais le texte change de direction ici. Là. Change de direction. Donc, il dit, je veux que les hommes, je veux aussi que les femmes. Donc, là, il sépare. Si ça serait tout le temps la même, il aurait dit ça. Il n'y en a pas eu besoin de séparer les deux. Puis l'exhortation qu'il va faire va être différente pour l'un et l'autre. Dans l'épître, ici, la deuxième épître, Paul veut rétablir l'ordre qui était désordonné. Il veut rétablir l'ordre. L'Église était désordonnée dans ce... C'est quoi le rôle? Comment on fonctionne dans l'Église? Mais était-elle désordonnée ou, comme on est quand même au commencement, qu'on veut donner une ligne, tu sais, ben c'est ça. Oui, ça pourrait être ça. On est peut-être 40 ans après le début de l'Église. Donc, mais à cause des dons, il me rappelle ce qu'il vient de dire. S'il n'y avait pas eu de faux docteurs, s'il n'y avait pas eu de fables, s'il n'y avait pas eu de généalogie, s'il n'y avait pas eu de vrais discours, s'il n'y avait pas eu de contes de vieilles femmes, s'il n'y avait pas eu de discours profanes et absurdes, je pourrais dire, OK, on commence. Mais lui, il veut contrecarrer avant que ça prenne de l'ampleur, puis avant que ça parte dans une direction ou ramener la direction, on va rétablir les choses avant que ça aille trop loin. Ce que je veux dire. Oui. Oui, mais c'est qu'au tout début, c'était quand même des hommes qui sortaient de là avec plein de péchés, puis avec plein de calomnies, puis que. Moi, j'ai un peu. Ça ne change rien au final. On jase pour jaser, là. Mais je pense juste que dans ce cas-ci, ça peut être aussi, à mon avis, que, bon, OK, là, tu sais, ça se passe de même, mais il faut que ça devienne comme. On exhorte à quelque chose qui est là actuellement, parce qu'on a un problème. Mm-hmm. Mais je crois que c'était peut-être pas nécessairement parfait au départ ou. Non, non, non. Que. Je ne sais pas si à 40 ans, ils ont eu le temps de tout toucher à ça quand ils ont commencé l'Église. Bon, les plus vieilles vont s'occuper des plus jeunes, puis ta. Peut-être que des choses qui se faisaient bien entre temps. Puis que là, c'est clair qu'il y a un problème qu'il faut redresser. La question, c'est tu veux-tu donner l'alignement ou si tu veux rétablir quelque chose qui t'accroche? Ça, tu es en train de parler. Bien, aussi. Dans la lune, mais c'est clair que ça t'accroche. C'est clair. On n'a pas le choix. Si c'est en partant, tu veux donner un bon alignement ou si tu t'es éloigné de l'alignement, tu veux la ramener. OK? Puis tout au long, il va ramener. C'est ce qu'on va voir dans l'ensemble des deux disciples, il les ramène. Ils se sont éloignés. Et je crois que ce qui est arrivé, vu que l'Église était restée sans Paul, sans Timothée pendant une période de temps, il n'y avait pas le leadership qu'elle aurait voulu avoir là, peut-être, je ne sais pas quoi. Mais en même temps, il y a des faux docteurs dans l'Église qui enseignent des choses qu'ils ne devraient pas enseigner. Et comme je vous ai dit au chapitre 1, quand tu as des enseignements qui sont fausses, l'Église prend des aliments fausses, automatiquement. Si c'est quelque chose de faux, ben les gens vont agir en conséquence de quelque chose de faux. Donc, leur façon d'agir va être faux. Donc, nous autres, des fois, on dissocie l'enseignement du comportement. Mais l'enseignement et puis le comportement, c'est deux facettes de la même pièce de monnaie. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut s'asseoir en accord, ces deux affaires-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne conscience. La bonne conscience, c'est que je suis en accord avec ce que je dis. Je dis pas quelque chose puis j'agis autrement. Donc, c'est ça qu'on appelle la bonne conscience. Mais si l'Église dit quelque chose que Dieu est venu pour sauver tout le monde, mais qu'on fait exception de personne, je n'ai plus une bonne conscience. Je suis plus en harmonie avec ce que je prêche. Jésus est venu pour sauver le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Mais nous autres, on témoigne justement à des Juifs. Pas toujours à des produits de Juifs. Mais, non, c'est tout le monde. C'est ça, c'est parce qu'il y avait déjà que quand les païens ont pu croire, déjà les Juifs étaient comme ça. Là. Ça venait déjà de faire un conflit. Bon, c'était déjà conflictuel. Tu peux venir avec nous à la synagogue, mais il faut que tu te transformes en juif. C'est ça. Tu peux pas rester. Au départ, comme ça, c'était quand même. Le conflit était déjà là au départ. C'est parce que le conflit. Je vais essayer de répondre à ta question. Le conflit du départ, c'est une chose. Quand on enseigne une fausseté, c'est une autre affaire. Ah, non, c'est pas vrai. Juste qu'on est en train. C'est que maintenant, on dit des choses, puis on dit que c'est des vérités, puis ça ne l'est pas. Là, on est rendu trop loin. C'est pas qu'on essaie de rétablir. Tu viens d'être sauvé, tu es un grec, puis moi, je suis un juif, mais on est ensemble. Tu sais, on est ensemble. Ouais. C'est pas ça. Là, on est en train de dire que Dieu veut que les juifs soient à part. Wow! Là, tu as pris un pas d'une mauvaise direction pas mal fort. C'est pas juste que tu veux que tout le monde comprenne qu'on est tous sur le même pied d'égalité. C'est que tu enseignes que Dieu dit non, on n'est pas tous à la même égalité. Wow! Là, tu es en train d'enseigner quelque chose de faux. Là, il faut que je te reprenne. Là, tu fais. Est-ce que c'était des Juifs qui étaient dans l'Église? Probablement, parce qu'à cause des gars qui veulent se faire docteur de la loi, on pense soit des Juifs ou des prosélytes juifs. Okay. C'est ce qu'on pense. Mais là, prosélytes, c'est des gens qui sont des Grecs. Comme des pharisiens? Non, c'était des Grecs qui s'étaient convertis à la foi juive. Un prosélyte, c'était un zélé, mais c'est comme si toi, moi, m'en irais en Israël, puis je dirais, ben, je veux devenir juif, je me fais circoncire, je vais faire ci, je vais faire ça, je m'habille comme un juif, je vais à la synagogue. Là, un prosélyte juif, oui. Mais tu peux être un prosélyte juif ou un prosélyte autre chose. Mais là, c'était des prosélytes juifs. Ils avaient adhéré à la foi juive, à l'habillement, à la façon de manger, tout ça. Ouais. Non, mais là, les prosélytes, non. Ils se convertissaient à la foi juive. Là, c'est pas des prosélytes chrétiens, c'est des prosélytes juifs, parce que la Bible nous dit que dans l'Épître d'Éphèse, il y avait des chrétiens juifs, puis il y avait des chrétiens grecs, mais qui étaient dans la synagogue. Donc, s'ils étaient dans la synagogue, c'est parce qu'ils avaient adhéré à la foi juive. OK. OK, mais t'as des prosélytes juifs. T'as des Grecs, c'était converti à la foi juive. Puis là, maintenant, ils sont. Il y en a de ceux-là qui sont devenus des chrétiens. Okay. Des juifs et des prosélytes. Là, on va les appeler les prosélytes. Ceux qui sont convertis avant d'avoir des chrétiens qui se sont. Oui, c'est ça. Donc, quand la Bible, quand on parle de prosélyte, on parle de quelqu'un qui est devenu de foi juive. Mais chez les chrétiens, il y en a qui se sont convertis étant des prosélytes juifs, donc qui étaient vraiment des juifs, comme Paul, mettons, qui était vraiment juif. Mais là, on va s'intéresser juste au verset 8 pour les hommes. Remarquez bien ce qu'il dit encore une fois, qu'il va rejoindre le « donc ». « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu ». Peu importe c'est où dans l'Église, en Grèce, en Rome, au Québec, au Canada, partout, en tout lieu, je veux que quand les hommes prient, ils prient avec les mains pures, ils prient avec sans colère, et ni mauvaise pensée. Donc, tu vas refléter ce que j'ai dit au verset 1 à 7. On a le même Dieu, on a le même Sauveur, on a le même salut, on fait partie du même peuple maintenant. Donc, tu ne vas pas commencer à te lever et prier pour, puis faire des distinctions. On va prier pour les Blancs qui sont en Afrique du Sud, mais on ne priera pas pour les Noirs. Okay? On va prier juste pour les Blancs. Ça ne peut pas marcher comme ça. Peu importe ce que tu vas être, quand tu te lèves et que tu vas prier avec une pensée qui est pure, une pensée qui est en harmonie avec Dieu, avec ce que je viens de dire du verset 1 à 7. Okay, donc, nous autres, on n'est pas cette culture-là chez les Juifs. Par là, c'était plus proche de la culture anglaise quand j'ai commencé à visiter les églises anglaises. On appelait, chez les Anglais, ils ont une expression qu'on n'a pas au Québec. On appelait ça la prière pastorale. Okay? Quand une assemblée commençait, une assemblée de dimanche, mettons, il y avait la prière pastorale. Tu avais le gars qui se levait en avant, qui était le pasteur senior de l'Église. Et il priait pour toute l'Église. Puis la prière était préparée autant que le sermon. Puis elle durait assez longue. Elle pouvait avoir 4-5 minutes. Puis il y a vraiment là, orchestré, puis il y en a qui avaient des papiers, puis c'était vraiment la prière. Je dirige le peuple de Dieu dans la prière. Et je dois refléter Dieu quand je prie. Et ça, c'est à l'autorité des hommes de faire ça. Tu vas donner le leadership spirituel par ta prière. Okay? C'est ça que tu vas faire. Donc, quand les hommes vont se lever et prier, ceux qui ont leur leadership, ceux qui vont me dire à la femme juste là-bas, toi, tu vas écouter cela. Tu ne vas pas prendre l'autorité là-dedans. Mais c'est ça qui va séparer les deux groupes, l'homme et la femme. Donc, il dit, quand tu vas te lever pour prier en tant qu'homme et que tu vas diriger le peuple de Dieu, tu dois refléter la pensée de Dieu. Oui? J'ai prié sur Messenger cette semaine, en groupe, pour tout le monde. Partager à tous. Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais dû le faire? Je pose une question sérieuse. Est-ce que j'aurais dû le faire juste au groupe de femmes? Non. Ou parce que ça incluait des hommes? Non, non. Non, ça, c'est, on est dans un autre contexte. Ça, je vous ai dit ici, le verset 8, à la fin, c'est un contexte d'église. Parce que là, quand on va parler d'habillement, on va parler de la femme, sa façon d'agir, c'est dans l'église. On ne parle pas de menant à la maison, qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais quand on est à l'église, on parle des femmes? Oui, oui, oui. Mais je vous surveille. Sérieusement, on veut me répondre. Non, il y a une différence, je crois, que le si je remarquerais un désir chez la femme de vouloir diriger spirituellement le groupe, j'interviendrais. Oui, qu'on pose des questions pour comprendre, qu'on pose des questions pour partager comment on le voit, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si je verrais une femme qui voudrait prendre le leadership spirituel, qui voudrait confronter le leadership spirituel, j'interviendrais. Oui, parce que là, c'est toi le leadership. Pour le moment, c'est l'enseignant, c'est moi. On pourrait être plusieurs hommes qui pourraient le faire avec son ancien aussi. Oui, oui. Okay? Mettons, on est à ma table du dimanche, de pas là. Parce que d'habitude, c'est toi qui prends le leadership. Mm-hmm. On sait que tout le monde, on t'écoute parce que, voilà. On est ensemble. Et moi, je pars sur quelque chose. Et quoi j'ai vu, je veux partager nanana spirituel. Il y a des hommes à ma table. Est-ce que je peux le faire? Oui, c'est toujours la question de... On va y revenir, on va faire le verset 8, on va revenir pour la femme. Tout se passe dans ma compréhension à moi de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je sais qui je suis dans ma position à l'Église en tant que femme ou en tant qu'homme? Okay. Ou dans même en tant que couple du côté spirituel, est-ce que je connais ma place ou pas? Et puis, est-ce que je la respecte? Je l'aime ma place parce que c'est la place que Dieu m'a donnée. Okay. Ça, c'est toute une autre différence. Okay? Des fois, j'écoute parler, puis il n'y a pas cette acceptation de la place que Dieu m'a donnée et le rôle que j'ai à jouer. On le ressent que ce n'est pas là. Et là, c'est une autre histoire. Okay? Et je crois que dans l'Église, il y a dans certaines églises, il y a des femmes qui... Bon, nous autres, vous n'étiez pas là. Nous autres, vous étiez peut-être là au début. Nous autres, vous n'étiez pas là. À Vitoriel, on avait une femme qui voulait être pasteur. Puis elle voulait devenir pasteur de l'Église. Ça apparaissait quand elle parlait, ça apparaissait quand elle parlait de son mari. Il ne veut rien savoir de Dieu, moi je vais prendre le leadership. Puis elle, c'était clair de sa part. Finalement, en partie son groupe, est devenue prophétesse dans son groupe. On le voit, ça. On le voit, on le ressent, on le voit, on le comprend. C'est là qu'il faut reprendre dans ce temps-là. C'est pas quelqu'un qui interroge pour comprendre ou qui veut partager quelque chose, mais en même temps, c'est chacun de nous. Ici, il parle des hommes. Donc, on va s'adresser à nous autres, les hommes, ou le leadership qui parlait dans l'Église. Quand je vais prier, peu importe où est-ce que je demeure, où est-ce que je vis, parce qu'il y a une marque en tout lieu, ça devrait transparaître dans ma prière que je respecte le plan de Dieu. Parce que j'ai un don qui me rappelle le verset 1 à 7. Je ne devrais pas faire exception d'eux. Puis quand je vais prier, si je prie pour les autorités dans mon église, je devrais leur donner la place que Dieu leur a donnée dans les autorités, dans l'église ou dans la société. Donc, je ne peux pas prendre position contre le gouvernement parce qu'ils se battent en Russie. Ce n'est pas mon rôle à l'église de faire ça. OK? Donc, je dois respecter le plan que Dieu a mis en place pour les autorités quand je vais prier en tant que leadership dans l'église. Ma prière devrait refléter le plan de Dieu quand je vais prier. Donc, et je crois que c'était facile. Il y en a un qui a fait sortir cette semaine. Est-ce que vu que ça rachète le chapitre 8, verset 8 et 9 et 10 se mettent ensemble, est-ce qu'il y avait de la colère entre les hommes et les femmes dans l'Église à cause des cultures différentes? OK? J'ai dit, peut-être, ça pourrait, ça serait normal, les hommes et les femmes, ça chicane, mais je ne suis pas sûr que à cause du don du verset 8, que je vais emmener ça. Le verset 8 et 9, et le restant, me ramène à le verset 1 à 7. Donc, je dois dire, je vais prier les mains pures, les mains sans colère, ni de mauvaises pensées, envers tous les hommes, parce que Dieu veut sauver tous les hommes, et que tous les hommes qui sauvent sont égaux. Il n'y a pas de distinction. Donc, quand je vais prier en tant que leadership ou en tant que dans l'Église, je devrais refléter ça. Je ne dois pas faire exception de personne. Je vais prier pour les riches, mais je ne prierai pas pour les pauvres. Je vais prier pour les hommes, mais je ne prierai pas pour les femmes. Je vais séparer l'Église en morceaux, mais je ne dois pas faire ça quand je vais prier dans l'Église. OK? Donc, quand le leadership de l'Église va prier, et moi, je l'ai vu là, un peu pendant le temps de la pandémie, comment tout le monde a réagi différemment. Il y avait une frustration globale de la société en général. Et donc, automatiquement, dans les églises, on commençait à entendre prier les gens, puis ça allait dans toutes les directions possibles et imaginables. Okay? Ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour ci, puis ceux qui étaient contre ça, ça sortait de toutes les façons possibles dans la prière à l'Église. Hein? Puis dans les enseignements aussi, là, ça sortait. Allez écouter aux États-Unis quand c'est le temps des élections. Allez écouter les gars qui prêchent là-bas. Vous allez voir, c'est pas toujours clean-clean. C'est pas toujours pur-pur. Ça ne reflète pas toujours le cœur de Dieu quand ils prêchent, les gars. Tu sais, les démocrates et les républicains, on les envoie sur les bords, tu sais, là. Là, t'sais, tout d'un coup, on voit plus les hommes comme des hommes, on voit les hommes par la politique. Ça devient politique. Tu n'es pas dans mon parti, je ne prie plus pour toi. Je prie quasiment que Dieu te déblesse ou te blesse dans le vrai sens du mot blessé. Mais on prie peu. Moi, je me suis donné d'être au Texas une fois avec Gilles Rousseau, on allait faire étudier là. Puis c'était le temps des élections, puis il y avait des pancartes dans la cour, mon gars, de se planter sur la pelouse. Puis le dimanche, puis le pasteur disait, pour qui voter le dimanche? OK? Donc, c'était vraiment politique, le patent. Mais là, je crois personnellement, quand on est rendu là, on a traversé la barrière de Dieu. Dieu dit, moi, je ne fais pas d'exception comme ça. Pas. Dieu, lui, fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Il veut sauver tout le monde. Pas juste ce que j'appelle bon ou ce que moi, j'appelle mauvais, je les approche pas, ils sont trop mauvais. Tu ne convertiras jamais ça. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que l'auteur est en train de me parler de ce qui se passe dans l'Église. Donc, ça veut dire que probablement que les hommes, quand ils se levaient pour prier, c'était peut-être pas aussi clean qu'aurait dû être. Peut-être que ça ne reflétait pas le corps de Dieu. Puis je vous l'ai déjà dit, les églises ferment, ça prend des décennies pour que ça ferme. Ça ne ferme jamais du jour au lendemain. Ça rentre des petites affaires tranquillement, finalement, on ferme la porte. On s'en va. C'est jamais des gros coups qui arrivent demain. On pense qu'on est correct dans nos affaires. Mais il faut toujours ramener. Je crois que je ne sais pas ce que Paul a vu. Je ne sais pas combien de temps il a passé à Éphèse avec Timothée avant de dire à Timothée, il faut que tu restes ici, puis il faut que tu règles les affaires. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? As-tu entendu des hommes prier, puis que ça priait un peu de travers avec des sentiments un peu négatifs envers les Romains, puis envers ici? Il me semble que les Juifs, les entendre, qui priaient, qui étaient anti-Romains à la planche, je me demande si leur prière reflétait vraiment l'amour de Dieu pour les Romains aussi. C'est, ça aurait été facile de glisser un petit peu, là. Donc, il se fait attention. Là, il arrive au verset 9. Juste, j'ai toujours dit que les hommes comprennent vite, mais juste un verset. Les femmes, ça lui en prend plusieurs versets. J'ai pensé exactement. Mais moi, c'est quoi? Je savais que vous le pensiez, c'est pour ça que je l'ai dit. Non, mais... Ça lui fait du bien, hein? Non, mais t'as trop fait. Je veux aussi... Là, vous allez, je vais vous poser une question. Moi, je suis pragmatique, puis dans ma personne, je suis comme ça. Tu as tout parlé de ça, mais je vais pas dire. Je veux aussi que c'est que les femmes. Là, je me suis posé la question pendant plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois que je lis le texte. Qu'est-ce que ça vient faire la façon qu'ils s'habillent, ok? Qu'est-ce que ça vient faire dans mon texte à moi? Pourquoi détourner les pensées? Essayons de voir. Essayons de voir. Là, il parle de l'apparence de la femme. C'est pas juste ses vêtements, parce qu'il parle de ses cheveux. Puis, donc, il parle de l'apparence globale. Okay? Donc, il dit, je veux que les femmes... Là, il dit au verset, se parent, verset 1, quand ils vont se préparer de l'apparence qu'ils vont avoir, puis là, au verset 10, il revient avec le mot part, se parent, mais... OK, au verset 10, mais qu'elle se pare. Qu'elle se pare pas comme ça, mais qu'elle se pare comme ça. Donc, il dit qu'elle se pare pas dans son apparence extérieure en général, mais au verset 10, qu'elle se pare de bonnes œuvres. Qu'elle se préoccupe pas de leur juste, de leur truc physique, mais qu'elle se préoccupe des bonnes œuvres. Oui. Que ce soit ça qui les revêt, que ce soit ça qu'on voit d'eux, qu'on voit pas juste leur allure, leur aspect physique extérieur, mais qu'on voit vraiment plus ce qu'elles sont. On voit que l'apôtre Pierre aussi en parle, mais dans un autre contexte. Il va parler que quand ton mari n'écoute pas la parole de Dieu, ne te pare pas extérieurement, mais pare-toi intérieurement pour le gagner pour Dieu, pour Jésus-Christ. Donc, mais il n'en parle dans un autre contexte qu'ici. Là, on est dans un contexte d'Église, plus précis, c'est plus général que si ton mari n'écoute pas la parole de Dieu, comment tu dois le gagner. Mais il dit ici, mais qu'elle se pare, on va essayer de voir c'est quoi les bonnes œuvres. Mais l'important, j'ai marqué sur ma feuille, sur mes notes, le mot « bonne conscience » quasiment à toutes les cinq lignes pour qu'on me souvienne de vous le dire. Okay? Parce qu'il dit l'importance de cela. Pourquoi pas faire cela, l'apparence extérieure, et plutôt avoir une apparence intérieure ou de bonnes œuvres. La raison, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si tu enlèves ce petit bout-là, le verset 8 et 9 n'ont pas raison d'être. Tu dis que tu sers Dieu, tu dois le refléter. C'est ça que j'appelle la bonne conscience, c'est ça que je vous dis là. Ma conscience me dit, ce que tu dis et ce que tu fais, ça va ensemble. Tu dis que tu veux servir Dieu, il faut que je le voie aussi dans ta façon de faire les choses, hein. Parce que si tu ne fais pas ça, tu n'as plus une bonne conscience, tu es en train de faire un naufrage quant à la loi. Tu as un cœur double devant Dieu, tu n'aimes pas Dieu avec un cœur pur. Tu dis que tu veux servir Dieu, puis de la façon que tu vis, tu fais le contraire. Donc, tu es un hypocrite, tu es de deux faces, c'est ça que ça veut dire. Donc, il dit aux femmes ici, faut bien le saisir. Le but, c'est... Tu as fait profession de connaître Dieu ou de servir Dieu. Est-ce que tu es en harmonie avec cela dans ta façon d'agir à l'Église qu'on parle? Ici, là, on est dans le contexte de l'Église. C'est ça qui fait la différence. Là. Parce que là, si on isole ce qu'on fait de ces deux versets-là, seulement des règles d'habillement pour la femme, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il faut le rattacher au restant du texte, là. Sans ça, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des femmes qui s'habillent, qui sont plus d'importance leur apparence, qu'ils soient chrétiennes ou pas chrétiennes, puis il y en a qui en mettent moins d'apparence, qu'ils soient chrétiennes ou pas chrétiennes. OK? Parce que souvent, ça va refléter le caractère, la personnalité, la mode, le contexte social dans lequel on est. Mais en même temps, ici, c'est général pour toutes les femmes dans toutes les cultures. Puis que tu sois très, ce qu'on appelle, très important sur l'apparence, puis l'autre est moins important sur l'apparence, le texte s'adresse à toutes les femmes. C'est pas juste ceux qui aiment avoir une apparence plus sophistiquée, on pourrait dire, ou plus élaborée. Qu'est-ce qu'il veut rétablir? Qu'est-ce qui est parti de travers? C'est la conscience. Non, mais non. Comment ça se manifeste que la conscience est en train, sont en train de faire un naufrage? Parce qu'ils portent plus de jugement sur les personnes bien habillées, bien parées, un peu comme tantôt on disait la classe VIP, l'autre classe à côté. Fait que si t'es bien habillée, t'es bien parée, on la regarde parce que ça paraît, puis elle, on la met de l'avant, puis l'autre. OK. Fait que lui, il est en train de leur dire non, c'est pas juste ça qui est important, c'est ça. Il y en a d'autres qui ont dit ça cette semaine aussi, ce que tu dis là. Dans ce qu'il y en a qui ont dit, mettons, OK, peut-être qu'il y avait des femmes grecques ou des femmes très riches dans l'Église, puis il y avait les femmes des esclaves qui là, ils faisaient une différence. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Je crois qu'il y a des femmes qui étaient des esclaves qui auraient eu le problème du texte qu'on a ici. Le problème, c'est que j'ai une séparation entre mon vœu ou ma profession de servir Dieu et la façon que je vis. Donc, ce n'est pas juste l'habillement, mais l'habillement fait ça, fait partie de ça. Mais, écoutez bien, il dit cela, puis là, il continue avec le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Là, tu dis, mais si c'est juste une question d'habillement, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça, c'est tout? Si c'est juste une question de, bon, les femmes riches, là, mettez-en un peu moins, puis donnez-en à ceux qui sont pauvres, là, puis qu'ils soient un petit peu mieux, puis équilibrez, faites un petit peu un équilibre, là. Mais je pense pas que ça soit de s'habiller ou pas, là. Moi, ce que je ramène, c'est que je pense que c'est de pas mettre juste, il y en a qui mettaient de l'emphase là-dessus en oubliant, toujours la raison profonde qui était Dieu, qui était les bonheurs, qui était, fait que, ils regardent juste à l'apparence. Okay. Mettons, la personne qui s'habille ou la personne qui regarde va faire un jugement là-dessus. Mais les bonnes œuvres dont il parle ici, ça va être quoi? Si elle veut se parler des bonnes œuvres, ça va être quoi les bonnes œuvres dans notre contexte, les autres ici? Chercher les gloires de Dieu. Oui, c'est large. C'est dur de faire une application quand on dit ça. Mais les bonnes œuvres, comment l'auteur veut que cette femme qui fait profession de servir Dieu, comment elle va le faire, comment elle va le manifester dans ses œuvres? Avec ce qui s'en va dans son. Voilà, verset 11, c'est ça, les bonnes œuvres dont il parle. Donc, tu fais, il y a juste un Dieu, il y a juste un sauveur. Que tu étais sauvé en tant que femme grecque, riche, ou femme pauvre, juive, ou femme esclave, tu as juste un sauveur que tu fais profession de servir. Enligne ta vie avec cela. Quand tu es dans l'église, tu te tais et t'écoutes l'enseignement sans vouloir prendre autorité sur l'homme qui est là à côté, ou les hommes qui sont là. C'est ça les bonnes œuvres dont il parle ici. Donc, tu vois, c'est pas juste l'habillement. C'est que tu veux aller plus loin que l'habillement. Il y a une raison dans ton habillement, dans notre contexte ici. Je ne sais pas vous autres, je vais en dire quelque chose de nouveau encore une fois. Hein? J'ai posé la question à quelques hommes. J'ai posé à Gaétan. Chérie, tu n'as pas compris. J'ai posé à Gaétan. J'ai posé à d'autres hommes cette semaine. J'ai dit, si votre femme a besoin de se présenter devant un groupe d'hommes et de femmes de 500 personnes, est-ce qu'ils vont s'habiller en conséquence? Ou si ça va s'habiller comme s'il était en train de faire la cuisine chez vous. C'est sûr, ça va être différent. Et si elle a se présenter devant 5 personnes ou 500 personnes, ça va être encore différent. Même chose que ça, si elle va dans un mariage ou elle va à la piscine. Donc, je crois que si, je vous donne un exemple, si je peux rattacher le vêtement de la femme avec son intention de vouloir prendre l'autorité, ça fait du sens. Elle s'en vient, elle, pour prendre de l'autorité dans l'Église. Et son habillement va le manifester aussi. Elle vient pour se lever et parler devant tout le monde et de diriger les gens. C'est là que ça fait du sens pour moi, la question, pourquoi il adresse la question du vêtement. Parce que là, ça ne ferait pas de sens autrement. Je dis, mais peu importe la femme, comment elle s'habille, là, si elle ne veut pas servir Dieu, là, ben, puis qu'elle veut prendre l'autorité, là, ça n'a plus d'importance, l'habillement. Elle peut pouvoir prendre l'autorité, même si elle est habillée en guenille. Mais dans l'Église, à ce moment-là, dans cette époque, dans notre situation, je crois que la seule façon que j'ai pu trouver que ça fasse du sens, c'est qu'ils s'en viennent avec l'idée de prendre l'autorité. Avec l'idée de vouloir, non pas se taire et s'asseoir et d'écouter, mais de se lever et de parler, de prendre l'autorité. Donc, tout ça, ça serait contextuel. Oui. Ça veut dire qu'ici, maintenant, ce ne serait pas important. C'est toujours aussi important, quand tu t'en viens, toi, en tant que femme à l'Église, tu ne t'en viens pas pour prendre le leadership de l'Église. Si j'essaie pas de me parer, mettons que je voudrais me parer pour dire, bon, ben, je vais paraître pour avoir l'air d'une femme intelligente, forte, spirituelle, pour essayer de. Tu veux influencer. Là, je te dirais, change d'habillement, c'est ça ton attitude, OK? Manifeste que c'est pas ça que tu veux faire. Mais tu pourrais arriver bien habillé, puis tu n'as pas l'intention non plus du tout de prendre le leadership de l'Église. Fait que dans le fond, c'est pas tant l'habillement que ce qui découle derrière. Ouais. Parce que le texte, c'est que je veux pas qu'elle prenne autorité. Je ne veux pas qu'elle prenne l'autorité. Mais elle, dans son habillement, je crois que c'est ça que ça veut dire, elle se prépare à faire ça. Et là pour moi, ça, dans ma tête, ça a commencé à faire du sens que c'était à cause de ça. Okay? Parce que c'est ça qu'ils vont parler le restant du temps, là, le restant des textes. Ils disent, mais je veux que la femme, non pas... Parce que si nous, des bonnes œuvres, là, on a pensé que le bon faisait du bien, parce qu'il s'occupait des enfants, puis faisait des pauvres, c'est pas ça qu'il parle. Il parle du verset 11 à la fin. Tu veux servir Dieu, il y a juste un Dieu. Que tu sois grec ou juif ou riche ou pauvre, il y a juste un Dieu, puis Dieu t'a établi d'une certaine façon dans l'Église. Il a donné un leadership spirituel aux hommes, puis il a donné à la femme de suivre le leadership spirituel. Donc, fais ça. Là, tu vas manifester que tu sers le seul vrai Dieu pour tout le monde. Il y a juste un Dieu. Dis pas, moi, à cause de mon arrière-plan, dans ma religion, les femmes étaient leaders, donc je vais être leader aussi. Non, on a tous le même Dieu, on a tous le même évangile, on a tous la même place. On vient tous du même Dieu qui a créé la femme avec le même but, puis l'homme avec le même but. Donc, ta culture ne changera pas l'évangile. Si dans ta culture, c'est toutes des femmes qui rentrent de la province, mais ça ne changera rien dans l'Église quand tu vas arriver. Tu vas faire prendre ta place de celui, celle qui va être dirigée par les hommes spirituellement. Ça ne changera pas. Puis, le plus ça s'en va, je le vois là, dans nos églises depuis à peu près 25 ans, plus ça s'en va, on va avoir des femmes leaders partout dans les églises. Il y en a de plus en plus. Parce que la culture impose maintenant. Si dans des églises tu n'as pas de femmes pasteurs, tu passes pour une église rétrograde, une église vieux jeu, une église qui ne suit pas la société, qui a amoindri la femme. En tout cas, j'ai dit, on n'entendait pas ça il y a 50 ans en arrière, 45 ans en arrière. Mais pourtant, il y a plusieurs... place où ce qu'il en parle, que la femme doit être dessous à cause, justement. Oui, à cause de Genèse. À cause de Genèse. Mais c'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça que je comprends. Il a mis le verset 1 à 7 avant de parler de 8 à 11, à 15. Il dit on a juste un Dieu. Pour tout le monde. Il n'y a pas de milieu de Dieu, là. Dieu a un Dieu, puis un salut, puis un évangile, puis une rançon. Donc, on est tous sous la tutelle du même Dieu. Donc, quand tu t'es converti, peu importe ton arrière-plan, peu importe ta culture, peu importe comment ça se comporte chez toi, dans ton monde à toi, ça n'a pas d'importance. Tu vas avoir à te battre avec ça peut-être plus qu'ailleurs, toi, parce que tu viens d'une autre culture. Tu sais, les places où ce que les autochtones, ou les places que tu sais que la femme... Nous autres, on a une société matriarcale depuis les années 50, 60 au Québec. On est une société matriarcale. Ça se manifeste dans l'Église. On n'a pas le choix. Mais sa question, c'est quand on rentre dans l'Église, on est tous sous la tutelle du même Dieu. Peu importe notre arrière-plan. J'ai été élevé juif ou musulman ou grec. Je dis, ben, ouais, moi, j'ai été élevé musulman, puis dans mon pays, moi, les femmes avaient été comme ça. Non, en tant que chrétien, tu te dois à ta position en tant que chrétienne aussi, là. Donc, c'est. Tu es sous le même Dieu que ton mari, tu as le même privilège, tu as eu le même salut, tu as eu la même place dans le nouveau ciel et nouvelle terre. Tu n'es pas moindre dans l'Église à cause que tu es une femme ou un homme, tu n'es pas plus, c'est un homme. Sauf que tu as un rôle différent. On a un rôle différent à jouer. Parce que là, il va nous emmener, qui dit au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. J'ai écouté. Tim Keller, Don Carson, sur ce texte-là. Tu les sens, ils pillent sur des œufs, okay, ils sont là, puis font attention comment ils vont dire. Ils veulent dire finalement que la femme ne doit pas enseigner, mais ils ne savent pas trop comment le dire pour ne pas frustrer personne. On est tellement anti-culture si on dit ça, que ils ne savent pas trop. Puis les autres sont écoutés par des millions de gens. Moi, je peux le dire, ça ne me dérange pas trop. On est juste 15-20 qui m'écoutent pour que c'est pas. Mais quand tu en as un million qui écoutent, il y en a qui vont répondre, ça ne sera pas long. Là. Puis il dit, mais je ne veux pas qu'elle enseigne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'enseigne pas ses enfants, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas enseigner des femmes, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas partager sa foi avec un homme, c'est pas ça. C'est pas elle qui a l'autorité spirituelle. Okay? C'est pas elle qui a l'autorité spirituelle. Moi, j'ai déjà dit à un homme, si ta femme a un bac en théologie, ça ne pose pas, mon ami. Pas dans le sens négatif. Utilise sa capacité, utilise sa connaissance pour aller chercher l'information que tu as besoin pour donner le leadership, toi. Là. C'est pas, parle-moi pas, c'est moi le leader spirituel. Non, tu vas utiliser ça, c'est correct, c'est normal, parce qu'elle en connaît plus. Mais c'est tout dans l'attitude en arrière, c'est tout comment, est-ce que j'ai fait profession de servir le Dieu que créa Adam et Ève qui m'a donné ma position? Est-ce qu'elle peut, par contre, on a suivi l'autre sur un plusieurs d'entre nous, des groupes de femmes, où ce que là, ils vont, quand on va à Patmos ou qu'importe, il y a une femme qui va enseigner à la maternité des femmes, par exemple. Mm. Mais est-ce qu'elle peut faire ça ou non? Elle ne pourrait jamais enseigner. Oui, elle peut enseigner. Parce que les femmes, comme les hommes, on ne choisit pas nos capacités, nos talents et nos dons. Si Dieu a donné le don d'enseigner, c'est donné le don d'enseigner, c'est pour enseigner. Et c'est maintenant, c'est que si mettons, vous disiez, vous levez les femmes ici, là, vous dites, on fait une petite réunion, puis vous partagez la parole ensemble, ça. Et si moi, j'entends que tu enseignes contre ce que je dis, je vais aller te voir. Ça ne sera pas long pour moi, ça. Wow, le leadership de l'Église, c'est pas toi, là. L'Église enseigne ça. Si tu veux, tu penses qu'on se fait erreur, tu as le droit de nous dire si tu penses qu'on se fait erreur, Mais c'est pas toi à changer l'enseignement doctrinal de l'Église. Ouais, François, il a dit ça, là, mais nous, on dit ici, les femmes, on va s'arranger entre nous autres, on va partir dans une autre direction, je dirais. Là, tu te plantes. Okay? Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu le fait de même? Pourquoi Dieu le voulait comme ça? Et au verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Il donne la raison de tout ça. Ça revient en Genèse. L'homme a été créé en premier et la femme ensuite. Et automatiquement, on a vu ensemble qu'on a fait la Genèse. Dieu a donné la directive spirituelle à Adam et c'était à Adam de dire à sa femme. C'est comme ça que ça s'est passé. Okay? Et je crois que c'est comme ça que Dieu veut que ça se passe tout au long de l'histoire. Donc, il dit, et remarquez bien le verset 14, qui je crois. Là, tirez-moi pas vos stylos, les madames. Adam n'a pas été séduit. C'est la femme qui l'a été. Et je crois que dans le chapitre, dans l'épître de Timothée, ça va être crucial qu'on comprenne ça. Okay? Il y a un problème avec le côté de la gente féminine. On va voir même chez les veuves. Il y en a qui se promènent d'église en église, puis font du blabla, puis disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, puis il y en a quelques-unes d'entre elles qui ont commencé à suivre Satan. Il y a un problème là où est-ce qu'on n'agit pas tout à fait comme on aurait dû agir. Et je vous l'ai déjà posé, est-ce que vous croyez que vous êtes plus facile à séduire qu'un homme du côté spirituel? Si c'est oui, vous allez rechercher la protection masculine. Du côté spirituel, je parle. Si vous pensez que non, vous allez probablement partir sur votre chemin, vous autres. Vous allez laisser votre monsieur au côté, ou le leadership de l'Église de côté. Si vous pensez que vous n'êtes pas plus facile à séduire spirituellement que les hommes le sont, vous allez vous distancer de l'homme, vous n'allez pas rechercher auprès de lui le leadership spirituel que vous devez rechercher. Mais si vous croyez que c'est plus facile pour vous d'être séduit spirituellement, vous allez chercher protection auprès de celui qui est moins. J'ai parlé avec un couple cette semaine. La femme a dit, dans certaines occasions, elle dit, c'est facile. Quand elle dit, on veut s'acheter un char, mon mari va y aller. Moi, je ne connais rien en mécanique. Connaissant sa vulnérabilité du côté mécanique, elle va se fier à quelqu'un qui a une connaissance plus grande. C'est ce qu'on fait, de façon instinctive, c'est ce qu'on fait partout. Et c'est comme ça que ça marche. Il dit, spirituellement, si je suis conscient que je suis plus facile à séduire, mais je vais agir en conséquence. Je vais dire, attention, je suis plus vulnérable, je suis plus facile à séduire que d'autres. Puis vous allez voir dans la deuxième épître, il va dire, il y a certains hommes, faux leaders, qui vont de maison en maison pour séduire les femmes, les emmener dans une autre direction. C'est pas juste un verset là, dans l'épître, il y a plusieurs versets qui vont dans cette direction-là. Puis j'ai déjà dit, hein, j'ai demandé au témoin de Jéhovah pourquoi ils visitaient juste dans le jour. Il dit, les femmes sont seules à la maison. Si on gagne la femme, on va peut-être gagner l'homme. Ils m'ont dit ça de même. J'ai dit, ils ne sont pas gênés de me le dire. Je pensais qu'ils étaient assez de faufiler une réponse. C'est clair. J'ai dit, pourquoi vous venez pas après souper? Les hommes sont là aussi, là. Oh, mais c'est plus facile si juste la femme est seule à la maison. Parce que la femme, après ça, elle va convaincre son mari. C'est ce qu'Ève a fait avec Adam. C'est ce qu'a fait avec elle. Mais quand on dit que l'homme n'a pas été séduit, il s'est laissé séduire par sa femme. Oui. Mais ce n'a pas été le premier. Ce n'a pas été le premier. Donc, ça veut dire qu'il y a... Parce qu'ils l'ont entendu tous les deux, ça, en même temps. Mm. Même s'il l'a entendu, parce que le Bible nous dit qu'il était proche de elle, donc pas mal qu'il a entendu, mais il n'a pas été séduit, lui. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait? Il n'a pas pris son rôle. Il a été puni pareil comme la femme de différentes façons. Mais ici, là, puis dans un épître, là, je vous ramène l'épître, les deux épîtres, dans un contexte de redresser, tu ne mets pas celle qui est en train d'être séduite plus facilement pour donner le leadership. Tu prends celui qui va être séduit le moins facilement pour garder le... Parce que les hommes qui sont dans l'Église devraient réagir aux faux docteurs, devraient réagir à ceux qui amènent des fables et des généalogies et des choses de même. Devrait réagir, dire, wow, minute, ce que tu dis là, toi-là. Oh. Mais je crois que les hommes en général aussi, là, j'ai parlé des femmes tout à l'heure, mais les hommes en général se sont retirés de leur rôle spirituel, en général. Ils ne prennent pas leur rôle au sérieux. Comme c'est à eux de donner le leadership. C'est à eux de protéger la femme de cette façon-là. C'est à eux de voir à ce qui va être dit spirituellement ou enseigné spirituellement, sont d'être capables de dire « Oh, t'es un peu, tu t'en vas trop loin, ça ne marche pas, c'est pas selon Dieu, ça. » Donc, c'est pas juste qu'une veut prendre le leadership, c'est que l'autre ne veut plus le prendre, veut se retirer. Donc, automatiquement, on vient en conflit dans l'Église. Et comment je vais le faire, dépendamment de l'homme que je suis, c'est pas tous les hommes qui ont reçu le don d'enseigner non plus. On ne peut pas dire, mais tu es un homme, tu as un don, automatiquement, tu as un don d'enseigner. Non, mais tu as un rôle spirituel aussi à jouer. Là, on parle de l'Église surtout, ici dans notre texte. Mais si les hommes ne prennent pas leur rôle au sérieux à la maison, ben ils ne prendront pas leur rôle au sérieux non plus à l'Église. Ça va être automatique, ça va se manifester dans ce sens-là. Mais j'encourage, j'ai reçu un rôle de leadership spirituel. J'ai à prier, j'ai à regarder, j'ai à écouter, j'ai à savoir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir diriger spirituellement si je veux le faire. Mais je vais le faire avec les dons que j'ai, avec la personnalité que j'ai, avec la capacité que j'ai. Mais de par définition, le fait que je suis un homme, que j'ai été créé avant la femme, j'ai un rôle de leadership. Est-ce que je le prends? Si je ne le prends pas, je suis en train aussi de faire naufrage par rapport à la foi. Je suis en train aussi de ne pas avoir une bonne conscience envers Dieu. Parce que je dis que je sers Dieu, donc je devrais faire ce que Dieu m'a demandé. Je devrais prendre au sérieux le rôle spirituel que j'ai de leadership spirituel. Ou de prendre ma place en tant que femme et dire, je sais que je suis plus vulnérable. Depuis la première femme, on était plus vulnérable. Donc, je vais chercher protection auprès d'eux. Je vais chercher protection. J'ouvre les guillemets. Donc, prions les uns pour les autres. Ben oui, en même temps, ben oui. Dans notre église, c'est sûr. C'est sûr. Qu'on ne fasse pas de naufrage, parce que le naufrage par rapport à la foi, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le naufrage, là, dans les deux épîtres à Timothée, c'est pas quelqu'un qui dit j'en ai ras-le-bol de la foi chrétienne, j'abandonne ça et je retourne au bordel. C'est pas ça qui se passe. C'est qu'ils sont encore dans l'église, puis ils restent dans l'église, puis ils amènent d'autres affaires. Il amène d'autres doctrines, puis d'autres formes, puis d'autres généalogies. Puis là, on amène, là, on fait une salade, moi j'appelle ça. La salade théologique. Il va en parler un peu plus loin. Ça va être ça tout au long des deux épîtres. Attention, mon Timothée. Exhorte, reprend, censure. Censure, c'est-à-dire, sois discerné qu'est-ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Protège-toi. Puis il va le dire. On va le voir ici, là. On va continuer ici. Là. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, il y a deux sortes de salut. Un pour les hommes, un pour les femmes. Ah! Bon, les hommes ne peuvent pas avoir des enfants, donc ils ne peuvent pas se sauver de cette façon-là. Mais on sait que ce n'est pas ça que ça veut dire, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Il est encore en train d'expliquer son donc. Okay? Il sera néanmoins sauvé en devenant mère. Ça, bien, la femme qui ne peut pas, elle, ça va faire quoi? Non, on ne peut pas chercher l'exception, mais ce n'est pas ça. Il parle en général. Il y a un principe de base général. Donc, elle va être sauvée en devenant mère, mais sauvée de quoi? Sauvée de quoi? Oui, dans notre contexte, ça semble assez pas mal proche ça, mais de faire naufrage par rapport à la foi. À la foi. Comment ça va? Comment est-ce qu'elle va se garder de... Parce que le mot sauver, Paul va dire, ici il parle de la femme, tout à l'heure il va dire à Timothée, sauve-toi toi-même et ceux qui te suivent. Oui. Timothée, puis Paul va dire, Dieu va me sauver. Oui. Il dit ça, tout au long c'est la même chose, de faire naufrage, d'abandonner la foi. De s'écarter de loin du chemin. Donc, elle va être protégée de faire un naufrage et de vouloir prendre un rôle, de vouloir servir Dieu autrement qu'elle que Dieu l'a voulu. Donc, il dit, elle va être gardée de cela en prenant le rôle que Dieu lui a donné à elle. Parce que dans le temps qu'elle va s'occuper des enfants, elle ne sera pas occupée à prendre pouvoir par-dessus son homme. Je dirais que ça fait partie de... Parce que là, c'est dans l'Église, là. C'est pas la maison, là. Peu importe. Si justement elle est occupée à s'occuper de ses enfants, elle a peut-être moins de temps à penser à pouvoir gouverner sur mais je crois ici, l'église ou la maison. Dans l'église, si on est bien dans l'église, c'est que cette femme-là, elle sait que son rôle, c'est pas le leadership. C'est sa maison, le leadership. C'est sa maison. Puis tout qu'il dit, mais il y a un si. Elle va être sauvée en devenant si. Donc c'est pas juste en devenant je suis sauvée. Non. Si. Elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Donc, c'est nos trois choses qui reviennent du début. Un amour pur, un cœur pur, une conscience pure, une foi pure. Si elle persévère dans ce que Dieu lui a donné comme rôle, elle va être sauvée. Elle va être protégée de faire un naufrage par rapport à la foi. Puis c'est ce qu'il va dire à Timothée. Timothée, si tu fais ça, tu vas te protéger de faire un naufrage par rapport à la foi. Puis Paul va dire lui-même, Dieu va me sauver, Dieu va me protéger. Pas que je fasse un naufrage par rapport à la foi. Parce que nous, on pense qu'il est impossible qu'on fasse un naufrage. On part avec l'idée que c'est pas possible qu'on fasse un naufrage, nous autres. Tout le monde le fait dans la Bible, mais nous autres, c'est impossible. Mais non. Il y a deux gars qui travaillent avec Paul, qui s'appelaient Hyménée et Alexandre, puis ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. On va voir des femmes chrétiennes, veuves, qui vont faire un naufrage par rapport à la foi. Ils vont se mettre à suivre Satan. Donc, de dire que ce n'est pas possible, c'est pas vouloir voir le texte. C'est là dans le texte, c'est comme ça. Donc, on peut bien essayer de supposer, parce que j'ai jamais été chrétien, j'ai commencé à venir ici, j'ai jamais été fait ça. Mais ça ne répond pas à nos questions. Ces gens-là, qui ont travaillé avec Paul, ils ont professé la foi, ils ont marché avec Dieu, ils ont servi, ils ont prêché l'Évangile. Il y a des gens peut-être qui ont été sauvés avec eux autres, mais pourtant, il est en train de dire à Timothée, « Mon Timothée, il y a des choses qu'il faut que tu fasses si tu ne veux pas perdre la foi, si tu ne veux pas faire un naufrage, si tu veux te sauver toi-même et sauver ceux qui t'écoutent. » Parce qu'il y en a d'autres dans l'église d'Éphèse qui écoutaient d'autres personnes. Ils écoutaient d'autres personnes qui étaient en train de faire un naufrage par rapport. Mais dis-toi, Timothée, si tu gardes la doctrine, si tu persévères, si tu lis, si tu pries, si tu fonctionnes, tu vas te sauver toi-même, tu vas te protéger toi-même, tu vas protéger ceux qui t'écoutent aussi. Parce qu'automatiquement, tu vas dire, ça c'est pas vrai, cette fable-là c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas dans la Bible, ça c'est dans l'Ancien Testament. Protège les gens qui t'écoutent. Mais fais pas juste pour eux autres, fais-les pour toi aussi. Et en te sauvant toi-même, tu vas sauver ceux qui te suivent aussi, là, tu vas les protéger. On sait très bien qu'il ne parle pas de la justification. Hein? La justification, c'est Dieu qui sauve par Jésus-Christ à la croix. C'est ce qu'on appelle. Mais là, il ne parle pas de ça, il parle de faire un naufrage. d'avoir un cœur qui n'est plus pur, d'avoir une foi qui est plus sincère. C'est que c'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Mais ça, ultimement, si ça n'est pas redressé, ultimement, tu es dans le fossé. Okay? Ultimement, tu vas tomber dans le fossé. Si tu ne prends pas au sérieux l'exhortation de dire, il faut que je surveille, il faut que je prie là-dessus, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je m'informe, il faut que je... Et je ne sais pas pour vous autres, là. Mais quand on commence, quand on a quelque chose, là, peut-être moi, c'est, je fais demain, mais quand je viens tout d'un coup, là, qu'il faut que je m'achète un auto, moi, François, j'ai une zéro puis une barre en mécanique. Et là, je prends toutes les informations que je peux. Là, je lis, puis je cherche, puis je vais voir, puis j'écoute les commentaires, puis les critiques, puis tout ça. Parce que je veux me protéger. Je sais que je suis vulnérable. Le gars pourrait me conter une blague, mon gars, puis je pourrais le croire, parce que je connais rien dans la mécanique. Mais là, c'est encore pire en électronique. Des fois, je parle avec des personnes âgées, là, ben, tu sais, comme nous, tu sais, âgées. Puis là, ils ont fait des affaires là, en électronique, ils se sont fait avoir complètement. Là. Parce qu'ils sont vulnérables, ils ne connaissent pas l'électronique. Puis là, le vendeur, il en met, mon gars, puis il en met, puis il achète des affaires qu'ils n'ont même pas besoin, mais ils sont vulnérables. Donc, quand tu connais ta vulnérabilité, tu dis, je vais aller chercher quelqu'un avec moi qui va me conseiller dans ce sens-là. Et spirituellement, c'est la même chose. Donc, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, à cause de ce qui se passe dans votre église, qu'il y a des gens qui enseignent des fausses affaires, à cause que l'église, elle n'est plus vraiment en bonne ligne avec Dieu. Donc, première chose, la chose la plus importante, il y a juste un évangile. Juste un salut pour tout le monde. Puis dans l'église, ceux qui vont débattre la foi, ceux qui vont protéger la foi, ceux qui vont instruire dans la foi, ça va être les hommes qui vont le faire comme Dieu l'a voulu, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça, c'est parce que nous autres, on a tout notre bagage intellectuel, social, mais c'est pas si compliqué que ça. Tu fais profession de servir Dieu, prends ton rôle à cœur. Tu es un homme, fais-le, tu es une femme, fais-le, tout simplement. C'est pas compliqué, là, pour moi, l'histoire. Là. Donc, si je le prends comme ça, puis je me dis... Bien, je vois. Encore là, il ne faut pas faire abstraction, il ne faut pas nier les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. Mais non, on les utilise, mais avec l'idée que, cher Dieu, je veux servir mon Dieu de la façon qu'il veut que je le serve. Et si mon mari dit quelque chose, puis qu'il est un nouveau chrétien, puis moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne, je connais la Bible 10 fois plus que lui, je vais lui dire, non, pas tout à fait ça. Ça dit, tu sais, il cite le gars. Ah, OK. Mais on va savoir que ça va être, c'est pour aider, c'est pour protéger, c'est pas pour prendre le leadership, là. S'il y a un conflit, dit, bon, on va aller voir quelqu'un qui a une autorité plus grande ou qui a plus de connaissances, pour aller voir qu'est-ce qu'il dit. Mais tu prends encore ton rôle de leadership en tant qu'homme en disant, on va aller voir le pasteur. C'est le même rôle, là. Tu joues encore ton rôle de leadership. Si tu dis, je ne sais pas la réponse, bien, je vais la chercher. Je vais aller voir quelqu'un qui je pense qu'il sait, je vais lui demander. Tu fais encore ton rôle de leadership à ce moment-là. Donc, la méthode que tu vas donner ton leadership va refléter qui tu es. Ce n'est pas tous des François ou des Gaétan. On va tous de même. Là. On a chacun notre façon de le faire. Mais la question, c'est que, est-ce que je l'ai encore dans la prière, premièrement, mettons? Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que je prie là-dessus? Est-ce que je le vois? C'est mon rôle à moi de le faire, de donner un leadership spirituel. C'est sérieux, c'est important. C'est une vie, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de garder la foi ou la paix. Je vais prendre mon rôle au sérieux dans ce sens. Donc, c'est une façon de le faire. Donc, si les chrétiens voient le salut pour tout le monde pareil, et que chacun dans son église, le leadership et la transmission, parce qu'on va le voir un peu plus loin, la transmission de la foi dans l'église, ça se fait par le leadership de l'église. Ce que je te l'ai donné, pas à Timothée, donne-le à d'autres hommes qui vont le donner à d'autres hommes. C'est comme ça qu'on va transmettre le leadership, le contenu de la foi d'un à l'autre. Le contenu de la foi, ce n'est pas juste en donnant des Bibles à tout le monde. C'est des hommes qui vont passer leur vie à vous protéger dans la foi. Il y a des gens qui vont passer leur vie à vous protéger dans la foi. Parce que c'est leur métier, c'est ça que Dieu leur a confié de faire. D'étudier, de passer leur vie 5 heures, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est ça que je vais faire. Et tu dis, je vais protéger l'Église afin qu'elle reste attachée à la vraie foi, à la vraie doctrine des Écritures. Donc, je me dis, il faut prendre ça au sérieux. C'est, Moi, je me vois comme c'est mon métier, c'est la vie, c'est mon travail. Il faut que je protège l'Église des fausses doctrines dans lesquelles elle peut se faire avoir, elle peut se faire entraîner. Il faut que je protège. Il faut que je me protège moi-même, premièrement, bien entendu. Il faut que je protège l'Église. Mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir ces textes-là plus que de juste dire comment je dois m'habiller quand je vais à l'Église, puis comment je dois-tu parler pour parler. C'est bien plus dans le fait, est-ce que j'accepte qui je suis en tant que personne, puis que est-ce que je vais vivre en tant que personne, parce que je ne vais pas faire naufrage par rapport à la foi. On va en parler quand on va arriver dans ces textes-là, et qu'on va parler des veuves. Quand il dit à l'Église de s'occuper des veuves, ce n'est pas juste financier. Ce n'est pas juste financier. Cette veuve-là a aussi besoin d'une protection spirituelle de l'Église. Ce n'est pas juste financier, important. Ça c'est trop facile. Il en a un chip, tout toi-même. Là. Il y a plus que ça. OK, donc on va faire le repas du Seigneur, mon guétain. Oui. Merci encore une fois, François. Et merci aussi, Seigneur, de nous avoir amenés ici aujourd'hui. Et là, on se prépare à prendre le repas du Seigneur. Et c'est de lui qu'on nous sert. Et c'est vraiment une grâce que tu nous accordes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on tourne nos Bibles dans Apocalypse 14. On va lire les cinq premiers versets. Apocalypse 14, verset 1. Je regardai, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe, jouant de l'harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où ils vont. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne laissaient pas trouver de mensonge, ils sont irréprochables. Quand je lisais ces quelques versets, j'étais comme encouragé de voir un jour, on va chanter ce cantique-là devant le trône, nous tous qui sommes ici. Nous avons été rachetés d'entre les hommes comme les prémices de Dieu et de l'agneau. Je voyais ça comme une grâce que Dieu nous accordait. Il nous accorde tout le temps plein de grâce. Puis ça aussi, je voyais ça comme une grâce. Sans la grâce que Dieu nous accorde, on ne sent pas ici et nous ne croyons pas à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ce qui est gracieux, il nous a gracié. Pour nous les croyants, quand on regarde ça, quand on s'apprête à prendre le repas du Seigneur, c'est la croix qui nous unit. Qui nous rassemble. Si la croix n'est pas là, on n'est même pas ici. On ne pense même pas à se rassembler. Mais Dieu nous a graciés, on a la croix et on prend le repas du Seigneur. On va procéder de la même façon. Je suis un peu conservateur. On va passer les éléments, moi et Sylvain. Ensuite de ça, on va faire jouer un chant. Et après le chant, prendre quelques instants de silence. Et s'il y en a qui aimeraient remercier le Seigneur, prier le Seigneur, on pourra le faire ce moment. Rappelons-nous en prenant ce repas tout ce que Dieu a accompli, Jésus a accompli, et tout ce qu'il a vécu la dernière nuit passée sur cette terre, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Quand on s'arrête à ça, sachant que lui connaissait toutes choses. Il savait ce qui allait se passer dans les dernières heures. Ça doit être vraiment difficile. Donc, la dernière fois qu'il a pris le souper avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a rompu, le déchira. Il l'a partagé avec ses disciples en disant: ceci est mon corps qui va être livré pour vous dans quelques instants. Prenez-y, mangez. Même à la fin du repas, il prit la coupe. Il dit: ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Fais ceci en mémoire de moi. Thank you. Monsieur, être béni, notre Père du ciel. Avant le commencement du monde, tu avais déjà planifié comment tu sauverais ton peuple. Comment tu rachèterais ceux qui t'avaient renié, ceux qui t'avaient abandonné, ceux qui t'avaient rejeté en Adam. Tu as planifié ça et comme on peut dire des fois, jamais on n'aurait pensé que le salut viendrait de cette façon. Aucun juif n'avait pu s'imaginer que le Créateur du ciel et de la terre s'incarnerait, que le Dieu de Moïse qui était sur la montagne sainte, qui tremblait, qui donnait des coups de tonnerre, ce même Dieu-là va un jour s'incarner et venir nous sauver. Lui qui avait demandé des millions de sacrifices par la loi, va décider de devenir sacrifice lui-même. Va devenir celui qui va verser son propre sang. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Et comme on a vu aujourd'hui, nous qui avons fait profession de servir ce grand Dieu-là, fait que nos vies soient en accord. Fait que nos vies reflètent qui tu es, reflètent tes pensées, ton message, ton évangile, reflètent ton retour. Et Seigneur, c'est qu'on puisse donner, comme l'apôtre Pierre dit, des comptes, dire avec douceur, avec amour, comment nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et c'est seulement lui qu'on soit fier de dire ma justification vient de Dieu uniquement. Et comme Gaétan disait, on a hâte d'être dans cette foule immense que tu illustres par 144 000 et qu'on puisse chanter la gloire de Dieu et la gloire de l'agneau. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Amen. Merci Seigneur grand Dieu du bien que tu nous as accordé. Et Seigneur, qu'on ne cesse de te remercier. Qu'on ne cesse, Seigneur, de considérer ton amour. Ce grand amour que tu as. Pour le monde. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu me gardes. Garde-moi, Seigneur, pour que je puisse être un adorateur et un serviteur pour ce grand Dieu.